Lamine. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci on est ensemble. À Samy d'être passé. Merci à Famille d'être passé aussi. À tous les comédiens qui sont passés aussi ce soir dans le studio. Et 10 fous de la radio libre, on a la bourre et la roulette qui fait tourner. Et la roulette qu'on fait tourner maintenant. C'est parti. Skyrock t'offre 200 places de concert soprano. La roulette qui tourne avec Mazarine du 6-2. Ça va bien, Mazarine? Oui, allô? Bienvenue, Mazarine, en pleine forme? En pleine forme, toujours. Eh bah écoute, on y va, tu dis stop. Donc, quand tu veux, la roulette est lancée, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, en feu, c'est Sopra, c'est pour toi. Il y a deux places pour la tournée de Sopra qui passe à Lille le 10 mars 2017, au tout début de tournée. Tu vas kiffer d'aller voir Sopra grâce à Skyrock sur scène. Ah ouais, trop. Je te fais un bisou, Mazarine. Ouais, moi aussi. Bonne soirée, merci, bon week-end. Ciao, ciao, on va retrouver D-Fool, la radio libre, c'est parti maintenant. Oui, Fredo. Désolé. Hein. C'est pas grave. Ça va? La bourre, et toi? Oui, de retour tout à l'heure à minuit, Fred, avec du PNL. PNL tout à l'heure, à pas louper dans la nocturne. C'est bien, ça va tout déchirer ça. Et avec, tiens, on avait un des compositeurs qui est là, BBP, ce soir. Et on va, salut BBP. Et on va retrouver, retracer justement les trois projets de PNL, que ce soit Que la famille, Le Monde Chico ou bien encore le dernier qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui, qui fait un véritable carton dans la légende. Oui. On retrouve tout ça ce soir. Et ben nous on retrouvera PNL tout de suite là. C'est parti pour PNL. On va démarrer la soirée avec un gros PNL. Je suis QLF, Fred. Ah bon? Tu es QLF? Bah ce soir je me sens QLF. Je sais pas toi, mais bien QLF ce soir. Moi aussi bien Q. Que la famille, QLF. Eh bien allez-y la famille, faites péter 01 53 40 30 20, vous nous appelez, vous débarquez dans l'émission, le 41 759, l'appli Skyrock à faire péter aussi. Et n'oubliez pas la pièce, c'était la semaine spéciale La Pièce sur Skyrock avec le Wati B, Fredo. Semaine prochaine dans Planète Rap, rapide, dis-nous. La semaine prochaine, c'est un groupe parisien très très fort, franchement un collectif de rappeurs qui s'appelle Panama Bende. C'est Panama Bende semaine prochaine. Vous allez découvrir si vous connaissez pas encore. Bah je vais découvrir, Fred. Il y a pas mal qui connaissent, j'avais placé dans la nocturne, c'est venu d'ailleurs il y a quelques mois dans une nocturne, et il démonte tout. Panama Bende a pas loupé des... Et ben c'est 20h lundi pour Planète Rap. Et n'oubliez pas tout à l'heure, juste après nous, la nocturne spéciale PNL. Et PNL, on les retrouve tout de suite sur Skyrock. Et on vous attend en direct, dès que vous avez besoin de nous. Allez-y, faut y aller maintenant. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Et ben c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le morning de D-Fool sur Skyrock. Tu refais là. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, bougez plus. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de D-Fool. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Skyrock. Nouvelle tournée, événement Skyrock. Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Game One. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives origine France. Mais dépêchez-vous, ce n'est que jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Et Radio Libre sur Skyrock, c'est parti en direct avec un petit PNL tout de suite, allez. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio Libre en direct, 21h minuit sur Skyrock. Je dis un petit PNL, c'est un gros PNL, hein. Je suis QLF, c'est le son qu'on écoute tout de suite. Et vous nous appelez au 0153 43. Et but du PSG, 1-0 du foot. Et 1-0, on va suivre Cavani. Quand PSG, putain, Cavani a réussi à marquer, c'est de la folie, hein. Soirée qui démarre, Cédric Lebel, j'arrive dans un instant, on prend des nouvelles. Et vous tous, jusqu'à minuit. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le hood, en ville, on a vie. La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi, reste en chien, toi, reste en chien. Majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. C'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. Pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bezous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, j'vois le monde en entier. Le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. PNL, c'est la soirée PNL sur Skyrock à minuit. Tout à l'heure, vous retrouvez du PNL avec Fredo qui est de retour. Mais là, c'est parti pour la radio libre. Il est temps. C'est parti. Romano. Cédric, il était à Rome. Le lendemain, le mec, il me dit, j'ai dit, ouais, t'as vu quoi? Moi, je te vois une fontaine. Là, la fontaine de Trévis. Dis foule. Ah, je ronfle pas, moi, je dors tranquille, je suis pépère, je mets cool. Cédric. Cédric, c'est le symbole? Ouais, normal. Enfin, Marie. Ouais, par exemple, tu pourrais me lécher pendant que mon mec me prend. Samy. Ouais, t'as les bras ou? Non, elle a pas touché ma bite. Et Karim. Un mot pour toi, Karim. Que veut dire désolé? Je sais pas. Un indice, Cédric le Belge. Dégueulasse. Dis fou le radio libre. Minuit, tous les soirs sur Skyrock. Non, désopilant, pensez à l'émission. J'espère en tout cas pour ce soir là. Merci à vous d'être là. Il est 21h04. Oh là là, on est à la bourre là. On a plein de choses à faire en plus ce soir. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous laisser vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock et sur le Skyrock FM. Et vous pouvez aller faire un tour sur tous les réseaux sociaux. Vous allez sur Snap, vous allez sur Facebook, vous allez partout avec Skyrock FM. C'est notre nom, on s'appelle comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Du foot à suivre. Alors, on commence par du foot et un but du PSG. Le PSG a marqué ce soir. Tiens, Samy, je te dédicace un deuxième morceau après PNL. Voici ta chanson préférée. C'est pour toi. Attends, j'ai une érection là. Je sais. Je te la dédicace. But de Cavani il y a 3 minutes là. Vous voyez les gars qui marquent des buts au lieu de lui chier dessus tout le temps là. Oui, il marque avec ses pieds carrés. Bah là, quasiment. Ah bah ça lui marche, il marque pour une fois. Oh, allez. Donc, quand PSG léger à suivre ce soir. En direct sur Skyrock, le match à suivre. Donc on vous tiendra au courant. C'est le match de Ligue 1 qu'on suit sur Skyrock avec vous tous et vous toutes. Donc du sport, du foot. Ah, Lucas Pouille a perdu contre le Croate là. Ils ont fait baiser les Français pour le premier, c'est quoi, c'est du premier match de la Coupe Davis. Ouais. Ah, moi j'y connais rien. Moi. Ah, bah je te dis. Voilà, c'est une petite balle. T'as une espèce, espèce de raquette. Ça ressemble à des poils à frire, mais il y a du filet au milieu. Et pourquoi tu dis ils ont perdu? Ils ont perdu. Parce que les Français jouent pour la Coupe Davis. C'est, ah, les Français, c'est par équipe alors. Et oui, c'est par équipe. Ah, demi-finale. Donc on a perdu le premier match ce soir avec, avec Lucas Pouille. Okay. Bonjour Romano, j'ai pas salué l'équipe. Bonsoir. Bonjour Samy, bonjour Karim. Monsieur Karim. Salut, ouais, c'est ça, ouais. C'est la personne à côté de toi qui pointe des tétons, ouais, c'est qui en slip près de moi déjà. C'est Romain, c'est Romain des réseaux sociaux. Ouais. C'est ça. C'est ça, et la Marie arrive aussi. Je cherche une bière, hein, tranquille, pépère, pour passer une belle soirée frigo, ensemble. Tranquille. Bon, on va faire plein de choses ce soir. Et je salue également Cédric qui est avec nous en direct. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir. Oh, tout le Belge. Bonsoir Cédric. Comment vas-tu alors? Ah ben, ça va, écoute. J'ai... Je sais, moi je sais que tu vas très très bien, Cédric. D'ailleurs, on va faire un petit jeu avec toi parce que je vous l'annonçais ce matin et je le dis pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce matin dans le morning. On va vous filer, comme ce matin dans le morning, votre PS4 Slim. C'est la PS4 toute fine. Elle a fait un régime qui sort aujourd'hui avant la PS4 Pro au mois de novembre, sortira le 10 novembre. Yep. Eh bien, on vous offre déjà la nouvelle PS4, la PS4 Slim, elle est pour vous, avec vos jeux qui vont avec, puisqu'on vous offre le FIFA qui déchire tout, le FIFA 17 qui va sortir dans 15 jours, et le NBA 2K17 qui va sortir dans une semaine, donc en exclu, le FIFA, le NBA et la PS4 Slim. Kevin arrive en direct de Toulouse avec nous, Pamela sera là avant minuit pour séduire des hommes dans toute la France. Ouais, la belle. Et d'ailleurs, je vous préviens, je mets au défi Pamela de se trouver un mec avant minuit. C'est le défi de ce soir. Ça y est Marie, t'as récupéré ta bière? C'est bon, non, non. La bière fraîche. Ah bah écoute, tout va bien. La bière est là, la Marie est là, Romano aussi. Elle a même un pack. Cédric, ça nous fait plaisir de t'avoir au téléphone avec nous. Et on va faire le premier jeu avec toi Cédric. On va vous offrir la première PS4 de cette soirée avec toi, le grand jeu de Cédric pour démarrer cette soirée. Et puis je vous le disais, il y a Kevin qui est au téléphone avec nous, qu'on va saluer, le premier de ce soir. Salut Kevin. Salut Kevin. Salut mec. Salut, ça va? Ça va bien et toi Kevin? Oui, tranquille. Ouais, ça va, tranquille, et vous? Tranquille, tranquille. Il fait quel temps à Toulouse? Parce qu'à Paris il pleut. Il fait un peu moyen aujourd'hui, un peu sur toute la France. Ça va mieux demain, je crois. Eh bien bienvenue à toi Kevin. T'es en week-end ou tu bosses demain matin toi? Bah non, moi je suis en week-end, j'ai pas cours demain. Très bien, bah écoute, nous aussi on est en week-end avec vous là jusqu'à minuit. En direct pour tranquille. Bien démarrer ce week-end, comme tu le dis, Kevin. Tranquille, pépère. Donc toi t'as besoin de conseils de séduction, ça tombe bien parce que les deux clasheurs sont réunis. Cédric en direct de son lit. Wow. Ouais, et je vois trop Mano. Et tu vois trop. Ah bah c'est très sympa. Merci, merci ma gueule. Voilà pour l'acheter. Romano, vas-y. Bah t'inquiète, je vais y aller dans son cul. Et à 200 km/h. Ah, ça a l'air de faire plaisir aux joueurs du PSG. Non, ouais, il rigole. C'est marrant. Bon, Kevin, on va te retrouver avec conseil séduction pour toi. D'ailleurs, si vous avez des conseils à demander, si vous avez un truc à nous raconter, si vous voulez dire quelque chose, la plus grande radio libre de France est ouverte. C'est ici, avec nous sur Skyrock. Alors, Cédric, on va passer à ton interview, l'interview de début d'émission. Vous savez que Cédric a eu un accident de moto parce qu'il ne sait pas conduire. Je te l'avais dit, Cédric. Je te l'avais dit en plus. Une cascade, c'est pas pareil. Tu as fait une cascade. Parle bien dans ton téléphone, qu'on entende bien ta voix si sensuelle. Ouais. Ah, ouais. Ça fait bander Romano. Ah bah, tu vois, regarde. Ah, mais là, je suis complètement en érection. Il a éjaculé de la bouche, c'est quand même fou ça dit. Ah mais moi je l'ai eu en ligne aujourd'hui là. Eh oui, moi aussi je sais. J'ai dégueulé la marasse. Alors Cédric, on va faire un jeu avec toi. Tu es le roi de l'embrouille. Est-ce que tu t'es embrouillé depuis que t'es malade et enfermé chez toi? Non. Pas d'embrouille, ça te manque pas? Oula, t'es malade, oui. Ouais, ça me manque un peu, mais dans les conditions dans lesquelles je suis, je peux pas m'embrouiller. Très bien. Par contre, tu es le roi des galères. Alors, ce qui est assez hallucinant, bon, t'as quand même eu une grosse galère la semaine dernière avec ta moto, puisque tu es bloqué depuis une semaine et que tu as cassé ta clavicule, hein, comme tu nous l'as dit. Ça, ouais, la clavicule pétée, ouais. La clavicule est cassée. Hein. Ouais, c'est la ça. La clavicule ouais. de Cédric. C'est terrible, ça. Et il réussit quand même à avoir d'autres galères en étant chez lui. Alors, la question que je vais vous poser, je vous donnerai des indices si vous n'arrivez pas à trouver, parce que c'est pas simple. La question que je vais vous poser, c'est quelle est la galère qu'a eu Cédric en étant chez lui, là, depuis une semaine, immobilisé par sa clavicule cassé. Si vous avez une petite idée, va falloir réfléchir un petit peu. Je peux jouer, moi, je suis pas au courant. Vous l'envoyez. Non, t'étais pas au courant. J'ai dit, si Karim est au courant, Romano, tu sais. Ouais. Donc vous nous dites au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Pénalty pour le PSG, les gars. Qu'est-ce qui lui arrive à Cédric? Et pénalty pour le PSG, ça va être chaud pour quand? On vous tient au courant pour le pénalty. Alors, vous nous dites, et celui qui trouve ou celle qui trouve en premier repart avec sa PS4 Slim, la toute nouvelle PS4 qu'on vous a filée dans le morning ce matin, et FIFA et NBA 2K17, le nouveau FIFA, FIFA 17. Est-ce que t'as une petite idée sur la galère qui aurait pu arriver à Cédric, Kevin, parce que t'as le droit de jouer? Si tu trouves la bonne réponse, je t'offre la PS4. Ok. Alors, réfléchis, t'as une idée comme ça, vas-y, balance. Non, je sais pas, il s'est chié dessus en coup. Il s'est chié dessus. Ouais. Tu penses que alors c'est vrai, mais c'est une sacrée galère quand même. C'est vrai, mais je l'avais annoncé dans l'émission. Ça s'est passé il y a 3-4 jours quand il a essayé de sortir de son lit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il a fait un effort, il a fait un paix foireux. Ça a poussé. Et c'est. C'est un prochain truc ça. La vision. Ah, ça va lui arriver ce week-end. Mais ça peut m'arriver, je vous expliquerai après pourquoi. D'accord, tu vas nous. Ah ouais, d'accord. Parce que moi j'ai prévu de venir te voir ce week-end, Cédric. Donc fais attention que ça n'arrive pas quand je sois là parce que tu vas me tuer. Cavani, le temps réservé une bien bonne. Et but du PSG. PSG 2-0 contre Caen au bout de quoi 20 minutes de jeu à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que le mec que vous passez votre temps à traiter vient pas de marquer deux buts, si, un sur penalty et un limite, il allait le louper. Je pense que vous allez finir par lui sucer le gland. Ouais. Voilà. Je pense aussi. Ouais. Cavani, c'est deuxième but sur penalty sur ce coup, et puis premier but, c'est lui aussi. Bon, voilà, 2-0 pour le PSG face à Caen. On suit le match en direct sur Skyrock. Retournons donc à notre grand jeu de Cédric. Je vais voir les messages que vous nous laissez. Oh là, ça défile, Cédric. Tu es un peu la star de ce début d'émission. Alors, quelle est la galère qu'a eu Cédric en restant chez lui depuis une semaine? Il ne s'est pas chié. Enfin, il s'est chié dessus, mais c'est pas ça la galère. Alors, qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Brahms nous propose, il peut pas se laver le cul. Oui, on l'avait dit d'ailleurs. Ouais, c'est un peu inquiétant pour ses amis qui viennent le voir, mais bon. Semble le fait, ça. Ah, tu te fais laver le cul? Ah, bah tiens. Ah, tu as pris les fermières? Laisse tomber, j'ai la haine. Non, une meuf que je connais, elle me lave les fesses. Ouais. Ah, même pas les payer en plus. Ah, bah dis donc, elle a bien du courage. Non, ouais. C'est pas vrai. Ah, mais c'est une bonne... Non, je te jure, c'est vrai. Demande à Marie, elle m'a vu aller boire hier. Et elle te lave le cul, la meuf? Elle lui lave le cul, ouais. Oh, elle est gentille. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment, vraiment gentille. Non, mais c'est clair, elle s'occupe bien d'elle. De lui, pardon. Parce que tu es un garçon, encore en dernière nouvelle. Encore, on lui a pas fait l'ablation du sgeg, ouais. Non, pas encore. Alors, plusieurs propositions que vous nous faites pour répondre à la question que je vous ai posée. La pneumonie pour Digital sur le 41759 Digital, c'est pas ça. Même réponse pour Fab CBG. Tiens. Une pneumonie, ce n'est pas ça non plus. Armor 22, tu t'es fait voler ta moto maintenant. Oh, mais non, personne n'en veut, elle est toute cassée. Gros, je sais pas, ça se trouve. Ah oui, bah ça tu sais pas. Ah en ouais, plus. Il sait pas où elle est. Alors, il a chopé une grippe. C'est Renault. Ah. Non, tu t'es pas fait chopé une petite grippe, c'est pas ça. Non, il a pas de grippe. Il y a plusieurs qui proposaient ça pour la grippe. Désolé, c'est pas ça, il peut pas se laver. Moi, j'ai à force d'être chez toi et de pas bouger, t'as eu genre une phlébite ou un truc comme ça, tu sais, à la jambe ou un truc. J'ai une bite, mais elle est sale. Non, j'ai pas de phlébite. Pas de phlébite. Non, aujourd'hui, je me suis pas douché par exemple. Ah là, ça c'est bien. Ah bah, tu nous fais rêver. Pas douché, donc t'as eu une infection. Non, infection quelque part. Ah, infection des gens. De la peau. Genre, il y a une infection de la peau, des boutons partout. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, comme les vieux là, quand ça reste à pousser. Non. Alors, rappelez-vous hier soir. Des escarres. Des escarres, voilà. Ouais. Non, c'est pas oui, ça. Des escarres, ouais. Pas ça. Ouais, ça c'est quand tu restes couché longtemps, genre les personnes âgées, ouais, voilà, ça fait des crevasses dans le tas. Il est assis tout le temps ou couché tout le temps, donc il a des hémorroïdes, nous dit Esther. Ouais, c'est pas ça. Vincent de Saint-Malo qui dit la même chose d'ailleurs. Des hémorroïdes. Non. Il est constipé, nous dit l'inconnu. Constipé pour séite également. C'est pas ça. T'es pas constipé, t'as une amende pour ton accident, nous dit. Ça serait drôle, ça. Oui. Une amende. Non, j'ai appelé les keufs encore aujourd'hui. Ça serait bifle sur le boule. Non, c'est pas qui ça. Qui nous disait ça. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? T'as chopé un champignon, nous dit Pierre Metz. Non, non plus. Pas de champignon. C'est comme le mec d'ailleurs dont on parlait ce matin qui avait joué à la PlayStation et qui avait joué pendant. Je sais plus pendant combien de temps, pendant 6 jours, je crois, c'est un chinois. Pendant 6 jours, il avait joué sans s'arrêter. Donc, il avait une couche, mais il n'avait pas changé la couche parce qu'il ne voulait pas se déconcentrer. Donc, il s'est chié dessus. Il avait une infection au trou de balle, une infection aux fesses avec des boutons partout, comme toi, Cédric. Ah, oh, ça me dégoûte. Et également une infection aux pieds, les pieds infectés commençaient à pourrir. Ah ouais, la merde, elle a dû tomber dans les pieds. Quoi. Ouais, c'est terrible. Ah, non, mais le mec avait tout simplement joué au jeu pendant 6 jours avec ses chaussures. Tout ça pour jouer. C'est pas ça. Alors, je vous donne un indice parce que je vois que vous ne trouvez pas. Elle a dû repartir à l'hôpital quand il avait mal au dos. Justement, hier, je vous parlais du fait que tu étais reparti à l'hôpital hier soir. Ça a rapport avec ça et tu avais du mal à respirer. Donc, je vous rappelle qu'il a une clavicule cassée, Cédric. Ah, ouais. Et que hier, il est retourné à l'hôpital et qu'il avait du mal à respirer. Je vous donne cet indice parce que ce n'est pas tombé dans les escaliers, ce n'est pas sa télé qui est tombée en panne, il s'est pas brûlé en faisant à manger, il n'a pas vomi partout dans l'appartement, il n'a pas chié à côté des toilettes, il n'est pas resté bloqué aux chiottes, ses voisins n'ont pas porté plainte contre lui. Pas encore. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Il perd ses cheveux. Il suce à domicile et ses draps sont pleins de sperme. Très beau message de l'Iblis. Il perd ses cheveux, Romano. Non, c'est pas ça. Non, Romano, je perds pas mes cheveux. Attends, c'est peut-être la prochaine étape, mon pote. Ça serait marrant de te voir revenir chauve. Oh putain, non, franchement, je te dis. Il a les cheveux bien longs, là. Ouais, il est sexy, on dirait. Ouais. On dirait un peu Francis Lalanne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ton nouveau look. Le look Marie Francis. Les cheveux hier. Ah bah ouais. C'est pour ça qu'elle avait les mains qui glissaient hier. C'est ça, exactement. Elle n'arrivait plus à attraper le téléphone. Vous voulez rigoler ? Hier, j'ai réussi à faire boire à Marie de la bière sans alcool. Non. Oui, c'est vrai. Mais t'es folle, Marie. Tu es malade. Bière sans alcool. Bah, ce con avec ça chez lui. Ah ouais. Abruti. Ah bah oui, Cédric a le verre solitaire pour Lionel, 13 des Bouches-du-Rhône, 25 ans. Bah non, là, je crois que j'ai grossi. Je précise d'ailleurs que les verres solitaires, il a trouvé ? Il y a Gwen 22 et Guiloute qu'on trouvait. Ouais. Wow, qui est le premier à avoir trouvé? Gwen 22. Gwen 22, on va t'appeler tout de suite, t'as trouvé la bonne réponse. Ah, Guiloute, on pourrait peut-être l'appeler, elle est juste après. Ouais, ouais. Tu offres une PlayStation 4, Romano. Ta générosité te perdra, tu le sais. Ta générosité te perdra. Ah, bah, c'est sûr, tu le sais. Non, mais c'est pas moi qui paye, là, je veux bien être généreux. Ah, bah, là. C'est ça. Et il y en a d'autres qu'on quasiment trouvé après. Ah, pour le truc du verre solitaire, Lionel, c'est un petit indice que je te donne si on te repose une question sur Cédric et le verre solitaire. Sache que tous les verres solitaires qui sont rentrés dans Cédric sont morts. Donc en fait, son ventre n'a pas survécu. Ils n'ont pas survécu. Son ventre est un cimetière de vers solitaires. C'est pratique. Il y en a partout, mais ils sont décédés. Ils sont morts. Ce n'est pas un vers solitaire. Bon, on va appeler Gwen. Alors Cédric, je peux donner la réponse ? Allez, vas-y. La réponse, c'est que Cédric a une clavicule cassée. S'est rendu compte ce matin qu'il avait en plus. Hier. Ah oui, hier soir. Maintenant, tu l'as su ce matin. Que tu as en plus. Des côtes cassées, combien de côtes cassées? Voilà. 4 côtes cassées. T'en as 4? T'es allé dans un super hôpital la semaine dernière, comment dis donc. Fait, ouais, parce que les mecs, ils se sont même pas rendus compte de ça la semaine dernière. Ah, les mecs, ils m'ont fait partir alors que j'avais mal aux côtes et je leur disais. Mais t'avais pas fait de radio? Si, ils m'ont fait une radio, mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait quelle radio? J'espère Skyrock, bien sûr. Ouais, je crois qu'ils m'ont fait la radio Skyrock. C'était pas la radio de mes côtés. Ah, t'as vu, je te l'ai dit hier, j'étais sûr que c'était ça. Ah, Marie, elle s'improvise médecin, Marie. Il avait du mal à respirer, même pour roter, il n'arrivait pas. Ah bah ouais, bah super. Ça veut vraiment dire qu'il est malade. C'est pas mal qu'il puisse pas roter. Ah mais je suis en sueur et j'arrivais pas à roter. Laissez-lui les côtes pétées, ça nous aidera, merci. Merci, ami de la médecine. Ouais. C'est abusé que ce soit pas rendu compte. Pas, c'est ouf, hein. Donc faites gaffe, hôpital, hein. Ils ont regardé, ils ont trouvé que j'avais des côtes pétées. Mais moi, depuis le début, je t'ai dit de changer d'hôpital. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai dit pareil, tu vois. Ah bah ça m'a l'air d'être des sacrés tocards où t'as été. Ouais. Ah mais ouais, laisse tomber, j'irai plus jamais de ma vie. Il y a eu tellement de messages, Romano, juste un petit renseignement. Karim, il arrive pas à trouver Gwen. Trouve pas ton Gwen. Ah merde, trouvez pas Gwen. Moi j'ai un autre mec, mais j'ai pas Gwen. Bon bah Gwen, on t'offre la PS4 attends. Slim, FIFA, le nouveau FIFA 17, hein, et NBA 2K17. Pour le premier jeu de cette soirée, on vous offrira une autre PlayStation 4 d'ici minuit. On t'a trouvé Gwen, mais il y a eu tellement de messages, on a eu du mal. 21h14. Gwen 22, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est lui qui a trouvé. Ah, il y avait c'est moi qui avait trouvé la bonne réponse juste avant, mais qui avait pas laissé son numéro. C'est dommage pour toi, c'est moi. Hein. C'est moi, 25 ans. Ah bah ouais. Une côte fêlée, non, c'était pas une côte fêlée, c'était 4 côtes fêlées. Et 4. Eh bah ben, t'es dans un bel état, mon pauvre Cédric. Plus, j'ai un poumon en fait qui respire mal maintenant, parce que comme j'ai mal aux côtes. Mm-hmm. Et alors là, ils m'ont donné un traitement, donc je te préviens d'y foule, parce que le médecin m'a expliqué qu'il va me donner un truc qui va m'empêcher de chier. Et de l'autre côté, il me donne un médicament qui va me donner la chiasse. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. C'est comme si tu prenais un médicament pour avoir mal à la tête et que tu prenais un médicament pour ne plus avoir mal à la tête c'est, après. C'est ça, exactement. Ah, voilà. C'est vrai, c'est pas mal. Vérifie quand même ton hôpital. Hein, Non, mais il est bien, cet hôpital. C'est ma gueule, le médecin, mais... Ouais, c'est pas mal, ça, comme nouvelle maladie. C'est pas mal. En tout cas, il m'a donné plein de médicaments, voilà. Et comme petit traitement, c'est pas mal. Bon, bah, en tout cas, on dit bravo à Gwen, qui gagne la première PS4 Slim de cette soirée. Et remercie quand même l'hôpital qui a fait du bon boulot. Oui, bravo à l'autre hôpital. Ouais. Laisse tomber, putain. Tu me donneras l'adresse que j'aille faire un tour ce week-end. Je vais faire un petit check-up, comme on dit. Bon, et Gwen, ça y est, on l'a trouvé, elle est là avec nous. Salut Gwen. Salut Gwen. Salut le chat. Salut, ça va bien, Gwen. Bah, ça va, t'as entendu Cédric, ça va pas très fort quand même. T'as vu dans quel état? Ouais, mais c'est comme d'habitude. Hein. T'as déjà eu un accident de voiture, de scooter, moto, ouais. De scoot, de scooter? Ouais, scooter. J'ai eu fracture du fémur et ah, pas mal. Ah, bah, bravo. Bravo. Un bip pour toi. Félicitations. Champion TV. Et bravo surtout pour la PS4, la Slim, elle est pour toi, celle qui est sortie bravo, ce matin. Bravo. Et celle qu'on vous a offert dans le morning, bravo Gwen. Wow. T'es où Gwen toi? Je suis à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, et ben c'est parti à Saint-Brieuc pour la première de la soirée, on en offrira au moins une autre, et peut-être même deux autres, on verra. La PS4 Slim a gagné ce soir dans la radio libre, comme ce matin, comme vous étiez tellement contents ce matin, on s'est dit on va vous faire plaisir aussi ce soir là. Bon ben écoute Cédric, il y a les jeux de basket NBA 2K17 et on a... Ouais, et le FIFA aussi qu'on a... Putain, j'ai compris. il y a les assiettes avec, je me suis dit des assiettes. Non, c'est un jeu, Marie. Donc, complètement pété. Je suis dit, je n'ai pas l'import. Je l'ai testé, il est mortel. Ça va, il est bien. Eh ben, tu pourras tester toi aussi. Eh ben, tu auras tout Kevin 7. Ils ont mis Thierry Henry dedans, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont mis Thierry Henry. Dans un jeu de basket. Ah ouais. D'accord, ok, bah écoute, c'est logique. Pas mal. Bravo, Gwen, tu vas faire quoi ce week-end, Gwen? T'as prévu des trucs, toi? Moi, sûrement, soirée avec les potes. Soirée, bon écoute, profite bien, soirée avec des potes. Ouais. En plus, en Bretagne, ça va teaser là-bas. Ouais, général. Ah bah ouais, tout le week-end. Bah écoute, normal. Un bon week-end pour toi, Gwen. Et t'as vu, le week-end démarre bien sur Skyrock, la PS4 Slim. Ah bah, là, on peut pas faire mieux. La toute nouvelle pour toi. Salut, Gwen. Ouais. Raccroche pas. Merci, hein. L'équipe. Salut, Gwen. Ciao. Bon, bah, Cédric, en tout cas, t'as des messages de plein d'auditeurs qui te saluent. Gentil, merci. Voilà, si tu tiens le choc, on te retrouve tout à l'heure d'ici minuit. J'espère que tu écoutes l'émission tous les soirs avec nous. Hein. Bah, bien sûr. C'est bien, Cédric. Parce que ce soir, on a un clash de la drague, on sait pas comment on va le faire. Ou c'est toi qui le gère, ou alors c'est quelqu'un qui sera opposé à Romano que tu choisiras ou que vous qui nous écoutez choisirez dans l'équipe. Appelez-moi au cas où, t'inquiète pas. Ah, t'as vu Romano, il veut te piquer ta coupe que t'as gagnée mercredi. Hein. Je peux la récupérer, ça me ferait bien plaisir. Bah, mercredi, il a fait la même chose, mais il n'a pas réussi. Tu vois. Mais méfie-toi. Hein. Alors, il a pris de nouveaux cachets, il a des cachets pour ouais, t'es dopé. Chier, pas chier. Pour chier. Je peux dire que là, ouais, je suis dopé, mon pote. Ouais. Bon, bah, bon courage. Je suis chier, mais je suis dopé. Il y a CLS qui nous laisse un message et qui nous dit que bah, lui aussi, il est dans son lit, il s'est cassé la jambe, le fémur, lui aussi. Tu vois, il y a Gwen qui nous en parlait il y a un instant du fémur. Eh bien, un fémur sur une moto, lui. J'ai eu la peur de ma vie, nous dit. Bah écoute, bon courage CLS. Et on salue tous ceux qui sont alités ce soir. Pensez à Cédric, pensez qu'il est à côté de vous. Pensez qu'il est comme vous et ce sera tellement sexy. Ah bah c'est clair. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, ouais. D'ailleurs, je vais me passer un coup de lingette pour bébé, là. Limite, t'as envie de mourir. Il se lave avec une lingette pour bébé. Imaginez quand même. Bon. Je te jure, Marie, elle a vu mon installation, elle a trouvé ça sympa. Ah bah, ouais, c'était sympa. Ah bah j'imagine. C'est organisé, attention. Ah bah attends. Bon, Cédric, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez un souci, bah, dans l'équipe, on peut en avoir aussi. N'hésitez pas, faites comme Cédric, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici. Et puis, dans un instant, on va retrouver Kevin avec nous en direct de Toulouse. Toujours là, Kevin? Ouais, toujours là. Tu t'es jamais cassé un truc, toi, Kevin? Si, je me casser le nez deux fois. Le nez? Ah bah tiens, moi aussi. Moi aussi, je me suis cassé le nez. C'est dingue. Ouais, ouais. Il est pas aussi gros après. Pardon. T'as quoi? T'en as eu pour 6 mois? Non, le ciel n'est pas aussi gros, je crois. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé entendre. Marie est complètement sourde. Putain, ouais, c'est clair. Ouais, c'est incroyable. L'autre, elle est sourde, mais comme un pot. On va tout traduire, Marie. Oh putain, merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce que tu dis? On va tout traduire. Cuire. D'accord, on va les faire. On va tout faire cuire. Voilà, on va tout faire cuire, sans les poils. C'est parfait, j'en ai des poils partout, t'inquiète pas. C'est parfait, gars, garde-les. Dans un instant, opération séduction pour Kevin. Reste avec nous. Cédric et Romano sont là, donc tu as les deux plus grands séducteurs de France et du monde avec toi. Je pense que tu vas y arriver, mais bon, vous les gars qui nous écoutez, les filles qui nous écoutez, je pense qu'on aura aussi besoin de vous, donc allez-y pour Kevin et pour tout le reste si vous avez besoin de nous. C'est parti jusqu'à minuit, c'est la radio libre sur Skyrock et on s'est passé PNL, c'était bien ça, on va se passer un son qui déchire maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter pour bien démarrer le week-end? Un Binta ou un Pitbull? Un Pitbull ou un Binta? Alors, ou un designer? Écoute, je note Romano, on va voir si les auditeurs sont d'accord. Pitbull, Florida. Ouais, on peut démarrer avec ça parce que c'est le week-end et que ça donne envie de bouger. Bien ça. Allez, on démarre avec Pitbull et Florida. Tout de suite sur Skyrock, c'est Green Lights. Et puis on vous attend en direct et on vous présentera les pervers de Pamela. Pamela qui arrive, qui se fait belle, elle arrive dans un instant. Allez, préparez-vous. Allez. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Tu refais là. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Skyrock. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Gouix. Braqueur en Blu-ray DVD et VOD. Avec Skyrock. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Diffoul. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson.

cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow of genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out. Sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock, c'était Pitbull et Florida. Difool, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Eh, on est là, 21h minuit yes. Sur Sky. Ça va être chaud ce soir. Déjà 3 buts du PSG face à Caen. Alors les Canets, qu'est-ce qui se passe ce soir, dites donc? Ah bah ils se font, bah, ouais. ils se font caner. C'est ça. C'est con. Ouais. Donc le match à suivre, un autre match à suivre tout à l'heure. Le clash de la drague. Tu es prêt, Romano? Tu es prêt à tout donner? T'as vu Cédric qui veut jouer ce soir? Hein. Ouais, mais pas de problème. Je suis prêt à le déglinguer. Ouais, on a un auditeur qui l'a remplacé lundi parce que lundi il était dans un état ouais. pathétique. Mercredi il a insisté pour le faire. Bon, il aurait pas dû. Il a perdu 45-55. Ouais. Et ce soir, il veut absolument récupérer le titre. Bah, il a encore envie de perdre. Je suis sûr qu'il va dire j'ai mal comme mercredi. Oh, j'ai mal. Oh, bon là, j'arrive plus à respirer. Oh là, je m'étouffe avec mes propres vents. Votez pour moi. Oh, votez pour moi. Romano, il est chaud. Oh là, il est tout chaud. En même temps, mercredi, il a fait sa comédie, ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas laissé à voir. On va voir ce que ça va donner ce soir. Pamela sera là avec nous. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans le coin. On va retrouver les pervers de Pamela. Pamela, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je suis là. Tu es en direct de la des toilettes de Skyrock, des toilettes garçons. Je crois que tu t'es trompé, non? Ah oui, zut. Eh bah oui. Bravo. Ah, zut. Elle est dans les toilettes garçons. Je sais pas, il y a Fred qui est resté une petite demi-heure avec toi, Fred de Planète Rap. Ah, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai caressé le sexe. D'accord. Très bien, parce qu'il le faisait tourner comme un hélicoptère. Ah, il adore ça. Ne loupez pas tout à l'heure la nocturne spéciale PNL. Oui. PNL à retrouver à partir de minuit, juste après la radio libre. C'est sur Skyrock, c'est à pas louper, du PNL comme vous en avez jamais eu. C'est sur Skyrock ce soir. On salue les PNL d'ailleurs. Ils ont sorti leur album aujourd'hui. Déchire tout, hein, le truc, c'est un truc de ouf. On va écouter ça, ouais. C'est fait un petit PNL d'ailleurs tout à l'heure pour démarrer l'émission. Ouais. Regarde Pamela, enfin tu ne peux pas voir puisque tu es dans les toilettes hommes de Skyrock. Il y a Rominou qui nous laisse un message qui dit elle est grave bonne Pamela, point d'interrogation. C'est une très bonne question que tu poses. Alors là je te dirais que désolé pour la Marie, mais c'est quand même, et puis pour toutes les autres filles de Skyrock, c'est quand même la plus belle. Ah, je suis une bombe. Ah, ouais, ah, une bombe. Une bombe. Ah, je suis nucléaire. 85A sur le sein droit, 95E sur le sein gauche. Voilà, tout est normal. Tout est une non, bonne non. paire de couilles. Pas du tout. Mais elle est là, magnifique, une bonne paire de couilles. Ah, et pile devant un peu plus longue sur les côtés. Ça, c'est pour la minette. Ça, c'est original. Et l'encre de marin aussi. Exactement. Tatouée. Et trois doigts. Ah, oui, c'est vrai, l'encre de marin, j'avais oublié. Donc le défi de Pamela ce soir, va-t-elle y arriver? C'est serrer un mec avant minuit ce soir. On vous fera écouter d'ailleurs ceux qui ont laissé des messages sur ce répondeur. Ah, j'ai hâte. hâte. Ceux que vous croisez peut-être si vous allez sur des applis ou sur des chats ou sur des sites pour draguer, eh bien faites attention. Il y a du lourd, mais il y a aussi du très dangereux. Hein. Faut faire très gaffe. J'ai pas peur. Mais Pamela n'a pas peur. Elle sait qu'elle est protégée par le grand, le beau, l'exceptionnel. Difool. Merci Pamela, tu es super, vraiment super ce soir. Bon et puis sinon on avait avec nous Kevin qui doit être dans le coin. Je te retrouve Kevin, t'es là. Ouais, je suis là. Ah bah t'es là, t'es bien, trop bien. Kevin, donc toi t'as 15 ans et t'es à Toulouse. Bah faites comme Kevin si vous voulez passer dans l'émission. Ouais. C'est au 01 53 40 30 20, le 41 759 et l'appli Skyrock. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a encore un but de Cavani. Ouais. Cavani? Ouais, quatrième but. C'est un sketch, c'est Il pas se possible. Pose la question tous les deux là. Ah, le mec s'est dopé ce soir. Non mais Cavani a pris de la drogue, c'est pas possible. Et bah troisième, quatrième but. Et voilà. Quatrième but de Cavani ce soir. C'est un truc de ouf. Le mec est en forme. Cavani est en forme. En même temps, en face, c'est pas Arsenal. Hein. Ouais, mais bon. C'est mais pas bon, ça va. Buts, quand même, ça lui fait du bien aussi. Ouais, c'est bien psychologiquement. Ah, ouais, ça le débloque. Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Allez. Bon, désolé les canets. Hein. Bah ouais, les cons aussi un peu. Bah ouais, Cavani. Ouais, ça fait 4 buts pour Cavani. C'est pas mal. Ouais. Pas de 4 buts en une demi-heure. Et là, c'est la mi-temps. Ouais, et là, voilà, mi-temps. Et voilà, il a fallu c'est qu'on la mi-temps. Il a fallu qu'on arrive en émission pour qu'il en marque 4. Bah, 4 buts en une mi-temps, gros, ça a pas dû arriver beaucoup en Ligue. Est-ce qu'il s'est fait raboter les pieds? Bah je crois gros, il s'est fait un peu il s'est fait limer les pieds un peu. Ouais, parce qu'il avait les pieds carrés jusqu'à présent dans le championnat, il loupait tout hein. Lui il avait tu lui donnais une balle, tu enlevais le goal, tu le mettais devant les cages, il loupait. Ah, t'en as mis 4 à la suite et il est content Cavani avec ses cheveux là. Bon, c'est la mi-temps, suivra la suite du match d'ici tout à l'heure en direct. Bon Kevin, c'est à toi, dis-nous pourquoi tu nous appelles et après on découvre les pervers de Pamela ce soir. Ouais, bah en gros, en fait, il y a une meuf dans ma classe. Ça fait 3 ans que je suis avec elle. Ouais. Genre, je suis grave amoureux d'elle. Mais depuis 3 ans ou alors t'es amoureux d'elle depuis pas longtemps? Tu t'es rendu compte que t'avais. Ça va faire en fin de l'année dernière, genre. En juillet. D'accord, donc ça fait 2-3 mois que t'es amoureux d'elle. Oui, ça va. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut tomber amoureux comme ça au bout d'un certain temps. Peut-être qu'un jour, Romano, même si je sais que c'est pas ton type d'homme, mais peut-être qu'un jour tu tomberas amoureux de Cédric. Hein. Ah, c'est. Peut-être qu'un jour tu auras. À ce moment-là, enfermez-moi. De lui. Pourquoi tu veux qu'on t'enferme avec lui? Ah, bah oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Nous t'enfermerons avec lui dans une pièce. Enfermez-moi quelque part à l'hôpital. Avec lui, d'accord. Dans sa chambre d'hôpital. Dans la chambre d'hôpital de Cédric, tous les deux dans le même lit. Non, mais moi, les mecs, c'est pas mon truc. Et puis bon, qui t'aime faire niquer par un mec. C'est pas les mecs, c'est Cédric. C'est pas tout à fait pareil. Ah non, mais qui t'aime faire baiser par un mec, autant me faire baiser par un singe, quoi. Donc peut-être qu'un jour, on sait jamais, tu vois. Ouais. Toi, tu l'as côtoyé 3 ans, ta copine, et t'es tombé amoureux, genre début des vacances d'été. Là. Ouais. Et donc là, tu te dis quoi? Tu te dis. Faut attaquer. Ouais, voilà. Mais t'as bien raison. Mais ouais, en plus, elle doit pas du tout se douter de ça. Si vous êtes amis depuis 3 ans. Ouais. Non, pas du tout. Bon, dites-nous si vous avez déjà arrivé la même chose, si vous avez réussi à vous en sortir. Sortons-nous de ce problème. Oh. Et donc Kevin ce soir et donc on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Vous avez une petite idée dans l'équipe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Marie, toi qui est quand même la reine de la séduction. Je sais pas, déjà faudrait tâter un peu le terrain, savoir si elle a tu la tripotes quoi. Donc voilà, tripote là. La tripoter physiquement, d'accord, j'ai bien noté. Non, il faudrait peut-être demander à sa meilleure amie, tu vois par exemple. De quoi donc, de la tripoter? Non. Si par exemple elle serait intéressée. Ouais, mais moi ces trucs entre la meilleure amie, tout ça, je trouve ouais, ça pourri. Hein. Ouais, mais bon. Personnellement, sans vouloir nuire à ton image, Marie, je trouve l'idée un petit peu pourrave. Je pense que c'est un peu de la merde aussi, mais bon. Karim, tu penses comme moi. Non, mais tu vois, prendre des renseignements. C'est vrai, Marie. Les autres membres de l'équipe, pareil, tu vois, Marie. Prendre des renseignements avant de se lancer, parce que. Renseigne-toi, fais une enquête. Non, mais ça peut casser votre amitié, du coup, si elle veut pas, tu vois. Et c'est écrit peut-être une lettre. Non, je pensais pas à la lettre. Et tu mets un cadenas avec. Tu mets un cadenas avec la lettre. À la lettre. Elle fera plaisir. Putain, Difool s'en étouffe. Ça peut toujours servir, hein, tu sais. Ah, t'es con. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Marie. Non, mais ça dépend dans quelle situation. Voilà, tu mets une lettre dans un cadenas. J'avais oublié l'idée de Marie qu'elle sort tout le temps, l'idée de la lettre. Ouais. Et du cadenas. Elle sort pas tout le temps. Non, mais est-ce que je te meuf déjà là, mec? Non, je crois pas. Bon, ça, ce serait bien de le savoir. Si elle a rien, ce sera plus compliqué. Mais t'es dans la même classe qu'elle, de toute façon. Ouais, mais en fait, on est par îlot de 4, elle est dans l'îlot. Bah, de toute façon. Vous êtes dans un îlot. Ça veut dire quoi? Non, mais il y a accès, les tables, elles sont groupées par 4. Ah ouais, il y a des mini-groupes de 4 personnes dans toute la classe, quoi. La question qu'il faut se poser, elle est pas con, la question de Nono. Faut savoir s'il est friendzoné. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais tu parles avec. Ouais, des fois on se parle et tout. Des fois, on se parle. Oui, enfin, c'est une bonne amie. Ouais, voilà, normal, quoi. Putain, j'arrive pas à enlever la sonnerie de mon téléphone. Ça mais ta gueule. Ne le lance pas, c'est fragile. Ne cronce cet iPhone. Dingue. Offrez-moi l'iPhone 7 le matin. Bah ouais, tant qu'à faire. Allez, mon hop. iPhone 6, vous avez vu, il déconne. J'arrive pas à enlever la sonnerie. Le truc fait digi-ding, digi-ding. Qui c'est qui m'écrit? Rihanna. Ok, ma chérie. Ah, bah évidemment. Je suis en émission, je te rappelle après. Voilà. Voilà. I call you later. Triste. Voilà, très bien. Mais non, elle sait très bien, Marie. Là, t'inquiète pas, en ce moment, on est en train de se faire déglinguer par Drake. Alors bon. Oui. Ouais. On a appris ça, je l'ai laissé à Drake pendant un certain temps. Ouais, ouais, ah, ouais. C'est ça, putain, t'es généreux. Hein. Bah, oui, il galérait un peu, le mec. Donc, Drake galérait, c'est pensé avec les meufs. Ouais. Donc, je lui ai dit, vas-y. En tant que bon pote. Ouais, ils sont en couple, on en a parlé ce matin. Ouais, bah, non, ouais. Ce matin. Dans la semaine, ouais. Dans la semaine, on en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fais la rire, c'est Radical. On dit Chacha du 59, 19 ans. Message de fille. Ouais. Non, bah après, c'est la base aussi. Non, mais le truc, c'est le vrai, l'histoire de la friendzone. Si elle, elle se doute de rien. Après, est-ce qu'elle a déjà eu des gestes tendres pour toi? Par exemple, te mettre la main sur la cuisse ou. Est-ce qu'elle rigole à tes blagues pourries? Caresser les boules ou. Bah, ouais, des fois, ouais. Donc, des fois, ouais, tu lui mets la main sur la cuisse ou elle rigole. La cuisse, pardon. Ou elle rigole à tes blagues pourries? Bah, des fois, elle rigole et tout. Bon, si elle rigole et des blagues pourries, c'est qu'elle t'aime bien. En après, général, ouais. Ça veut pas forcément dire qu'elle va se faire sauter. C'est pas pour autant. Oui, après, t'as pas forcément envie de la sauter non plus. Bah, dans un peu quand même aussi. Bah, si, quand même, un oui. Peu quand même. Vous avez le temps. Faut avoir des sentiments pour faire l'amour. Regarde, Romano a attendu de sortir avec une huître, l'huître de l'île de Ré, et d'être très amoureux d'elle avant de lui faire l'amour sur la plage. Amoureux, bon, c'était un amour d'été, quoi. Très amoureux. J'ai surtout envie de baiser, moi. Vite fait, ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout ça. T'as envie d'ouvrir l'huître, quoi. Tiens, regarde. Voilà, c'est ça, Marie, quelle belle image. Oui, c'est ça, ouais. Il y a la chatte de Marie, 16 ans, qui nous laisse un message. Je suis en kiff sur une meuf depuis la 5e. Je suis en seconde maintenant, on est toujours dans la même classe. Et a priori, il s'est rien passé pour l'instant d'après ton message. Bah, ça fait un peu long, quand même. Ouais, ouais, faut se lancer au bout d'un moment, hein. Dites-nous si vous étiez vous aussi, je sais pas, dans la classe d'une meuf. Et puis au bout d'un moment, vous êtes rendu compte que vous aviez envie de sortir avec elle. Comment vous avez fait pour sortir avec elle? On attend vos témoignages, on compte sur vous pour aider Kevin parce qu'il est un peu dans la galère, il nous appelle, faut qu'on arrive à lui trouver une solution. Ouais. Et puis même chose les filles, hein, si vous avez eu un mec dans votre classe pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit putain, il est pas mal, il est un beau gosse. Ah, ouais. Je sortirai bien avec. Putain, tu mites bien les filles, tiens. Tu trouves? Ah ouais, à mort. Je les connais bien, c'est pour ça. Ah bah putain. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages, on compte sur vous au 41759 sur l'appli Skyrock, avec le skyrock.fm sur le net, et évidemment sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. C'est Skyrock FM pour nous joindre sur tous les réseaux ce soir. Bon, bah très bien, Kevin. Quelqu'un d'autre a une idée dans l'équipe? Ou alors on attend les réactions des auditeurs? Ou sinon, il y a le truc qu'on dit régulièrement, là. Est-ce que dans pas longtemps, il n'y a pas une soirée organisée par un des mecs de la classe ou des filles? Une party! Une party! Non, mais c'est vrai que bon, une soirée, c'est plus facile pour se rapprocher qu'en salle de cours, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une party? Non, je crois pas. Bah, organise-la. Organise une party! Mais oui! Non, mais c'est vrai que ça, c'est bien, ça. C'est en dehors du. Pour un rapprochement, ouais. Un rapprochement dans la night. Ouais. Dans la night. Et bon, sauf si la party a lieu de 14 à 17. Ah, c'est une party, ouais, afternoon party. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Je connaissais une meuf, moi, qui arrêtait pas de parler un peu comme l'autre taré d'Afida, là. Ah, une américaine. Ah ouais, tu prenais pour un. Non, vas-y, elle sentait plein de mots comme ça, mais tu vois, par exemple, elle disait, je pars en week-end. Je pars en weekend. Ouais, on va aller faire une teuf. On va aller faire une party. Un party, yeah. Ok. Ou par exemple, je sais pas. Je te remercie, je te thanks. Je te thanks. C'est ça, oui. Je te thanks. Tu écoutes quoi comme radio? Skyrock. Skyrock. Ou genre, elle fait tomber un verre, elle fait oh my god. Oh my god. OMG. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh fuck. Amazing. Donc ok, bah écoute, on voit tout ça. Tiens, une petite idée pour toi, on le prend en speed parce qu'il est en voiture. On le prend en speed parce qu'il est in the car. C'est Nico qui est avec nous en direct de Bordeaux. Salut Nico. Salut à tous, salut. Hello. Salut à tous, salut, salut Nico. À tous. C'est gentil de rendre hommage à Cédric. Salut les filles. Salut Nico. Alors Nico, qu'est-ce que t'as toi t'as eu à peu près la même chose, on m'a dit ouais, au standard. Ouais, en fait le truc c'est que c'était une pote à mon frère. Oui. On était hyper proches, machin et tout. Mmh. Mais voilà, rien de plus. Et en fait, c'est moi, je voulais me mettre avec elle, elle voulait pas. Après, moi, elle voulait se mettre avec moi, je voulais pas. Mmh. C'était tout un bordel, en fait. Et en fait, j'ai eu un carton de moto qui dédicace à Cédric en même temps. C'est ce que j'allais dire. Tiens, décidément, c'est la mode, c'est sensible. C'est bien, ouais. Ah ouais, super la mode. Mais bon, moi, c'était quand même assez critique. J'étais dans. Enfin, voilà, c'est toute une histoire. Mmh. J'étais en soins intensifs et tout le bordel. Enfin, ouais, toi, t'as failli rester, toi. Ouais, la vache. Ah oui, moi, oui. J'avais le poumon décollé et tout le bordel. Ah putain. Et en fait. Non, j'allais te demander, t'en as refait de la moto derrière ou pas? Ah oui, j'en fais toujours. Ah voilà, non, mais c'est souvent ça. Tête de connard. Bah non, mais après, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, monsieur Pinault. Non, mais non, c'est vrai que t'as dans l'idée. C'est Nico. Non, mais t'as dans l'idée que quand t'es blessé comme ça, t'as pas envie de remettre ça. Ouais, il y en a qui sont passionnés de moto, c'est leur passion. Le truc, c'est que ça arrive un dimanche, le lundi, je pensais pas à mon état, je pensais à remonter sur une moto. Anne Nico, la drogue de la moto. Bon, en espérant que tu fasses attention maintenant. Oui, fais gaffe maintenant. Ouais, toujours. D'ailleurs, je vais vous inscrire à un cours de moto-école, toi et Cédric. Vous avez fait le cours ensemble. Ah ouais, pas con. Ah, avec plaisir, on va y aller avec le bel. Ah bah, ça va être sympa, tiens. Et donc, ouais, donc cette meuf, là, vous tourniez autour, mais sans trop savoir ouais. si vous alliez sortir ensemble. Elle s'est rendue compte, quand on m'a vu sur lit d'hôpital, en fait. Ouais. Elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de moi. Donc, voilà, Kevin. Voilà ce qu'il te reste à faire. Alors, Kevin, est-ce que tu as un 2 roues à la maison? Je ne sais pas, vélo, scooter, trottinette. Enfin, est-ce que tu as un truc à la maison? Non, qui roule. Trop, en fait. Non. Eh bien, il va falloir que tu demandes à tes parents de t'acheter un vélo et tu fasses un accident. Et que tu fais un petit accident, tu te retrouves à l'hôpital. À ce moment-là, tu l'invites. Et là, elle tombe dans tes bras. Bla, bla, bla. Ah, tu vas être à côté de Cédric après. Et tu risques de te retrouver en plus, si tu en auras de la tu chance. Dans le même hôpital. Ah que ouais, Cédric. Bah là, t'es gâté. Ouais, là, t'es, ah bah, t'es au summum là. Et là, c'est dans la même chambre. Là, ouais, putain, bon courage. Et là, tu meurs asphyxié. Ah ouais, c'est ça. Bon, donc oui, il faut. En fait, tu t'es rendu compte, il a fallu qu'il se passe un événement un peu spécial, un accident, Nico, hein, pour. Il a fallu pour que je me casse la gueule en moto, que je bah, ouais. Pour qu'elle vienne me voir, machin. Mais comme Cédric a dit et tout, et elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse. On s'est mis ensemble. Et vous êtes toujours ensemble. Un laps de temps. Non, on n'est plus ensemble. Heureusement. Ah. Non, mais enfin, heureusement, d'accord. Voilà. Ah. En effet, une histoire qui était magnifique. Du début à la fin. Violon, musique. Musique de love. Voilà, une belle histoire d'amour. En tout cas, ça a marché, c'est vrai, elle s'est rendue compte qu'elle tenait à toi. Ouais, et en fait, elle était. Voilà, et après, du coup, il y a eu des trucs qui ont fait. Elle est tombée enceinte, c'est du bordel, c'est une histoire. Ah, je vois. Et du coup, c'est ça, c'est toi, c'est ah ouais. Pas, donc on n'a pas pu rester ensemble, c'était toute une histoire. Après, elle préfère rester avec ses potes qu'avec moi, donc je l'ai dit, casse-toi. D'accord, donc une histoire qui en effet c'est voilà. Super bien passé. Oh, musique de l'homme. Il y a quand même eu un moment où tu l'as serré. Voilà. Oui, quand même. Ah oui. Nous on cherchait juste le début. Après, si l'histoire s'est mal passée, c'est oui, pas. C'est, oui, c'est après, clair. Kevin, une fois que tu sors avec elle, tu te démerdes en tout cas. Ouais. Donc voilà, donc, c'était le premier conseil qu'on vient de te donner. Un conseil. Le conseil de l'accident. Super, conseil de l'accident, pas mal. Bon, si on peut en trouver d'autres, ça serait bien. N'hésitez pas à nous laisser vos messages au 41759 sur l'appli Skyrock. Moi je suis sorti avec ma meilleure amie pour une soirée. Ah, pendant une soirée. Ah non, pour une soirée. Pendant une soirée, pour une soirée. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Ah bah c'est court. Hein. Tu devais être pété, toi aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Le lendemain, au secours, qu'est-ce qu'on bon, a fait? Merci pour le message. Si tu galères sur une matière, tu peux essayer de lui demander des conseils sur les cours, lui dire de venir chez toi. C'est message de Jules. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y a Mick qui nous dit passe du temps avec elle. Mabs, 27 ans, qui lui dit essaye de lui vendre quelque chose qui l'intéresse. Elle va s'intéresser. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'elle traîne tout le temps avec un autre mec, tout le temps avec le même. Ouais, mais elle sort pas avec. Bah ouais. Non, elle sort pas avec elle, mais elle traîne tout le temps avec lui. Bah, montre-lui que t'es mieux que. Ah ouais, là, c'est la guerre, là. Ouais. Montre-lui que t'es mieux que. Mieux non, mais peut-être que le mec, il veut la suivre aussi, hein. Non, je sais pas, peut-être. Vous êtes plusieurs sur le truc, là. Bon, le love sur Skyrock, vos messages pour Kevin. Comment on fait? Jette un stylo par terre sous la table, elle le ramasse, tu prends ta règle, tu la fouettes. Et tu cries, oh là! Ké, merci. Ça, c'est, oula, oui, c'est bien. Merci, Adèle. Pour le message. Tu t'es pris pour Mojito, toi, hein, le mec qui fouette les meufs. Qui ouais. Fouette oh, les meufs sur les réseaux. Hein. Tu connais Mojito? Ouais, je connais. Ah, tu connais Mojito. Tu as vu ses vidéos, il fouette les meufs sur le. Ouais, sur les c'est réseaux. Sympa. Il ouais, fait, non, y a pas besoin. Et il se fait insulter par tout le monde en plus. La vie de Mojito est assez sympa là. Bon, eh bien écoute, Kevin, raccroche pas. Si on a. On aura d'autres conseils. On te donne tout ça. Tu bouges pas. Ah, j'ai une PS4 à vous offrir encore. Ah ouais, encore. On va vous offrir au moins encore une ou deux d'ici minuit. Hein. La PS4 Slim, elle est à gagner sur Skyrock. C'est une grande histoire d'amour entre plein de monde et la PS4. Qui n'a pas eu de PS4 chez lui? Ou de moi, PS2 ou de qui a pas eu de PS? Ah, non, moi j'ai eu moi. T'en as eu, Romano? Ouais, la une. Tu as eu oh, t'as eu la première. Ouais, la première. Mais j'ai encore Nintendo d'ailleurs. Aussi, toi, non ouais, j'ai eu Nintendo. Ouais, ouais Nintendo, j'ai eu plusieurs. Ouais. Qui a jamais eu de PS à la maison? Ah non, PlayStation. Moi j'en ai eu. T'en as eu? Moi j'ai eu, moi. J'ai eu aussi, ouais. Aussi. 1, 2 et 3. J'en ai eu. Bon, tout le monde en a eu. Et bien ce soir, on vous offre la nouvelle, celle qui est sortie ce matin. La 4 Slim. Celle qu'on vous a offerte dans le morning ce matin, la 4 Slim. Il y en a une pour vous. Et je vous prépare une petite question justement sur les jeux vidéo. On va tester, votre assiduité au morning. Une petite question que je vais vous poser, tout de suite. Et juste après, on retrouvera les pervers de Pamela, puisque Pamela vient de faire son entrée dans le studio. Eh oui, je suis là. Elle est pas là, Non, mais tu sais que Cédric s'est cassé la clavicule. Ah. Et ouais, il s'est cassé la clavicule et il a quatre queutes cassées. Ah, mais c'est génial! Il n'a pas une queute, ni deux queutes, ni trois queutes, mais quatre queutes cassées. Quatre queutes! Quatre queutes cassées et une clavicule cassée. Eh ben dis donc, il s'est pas raté le couillon. Et non, le con, hein, t'as le vu couillon. Ça un peu. Ouais, il faudrait qu'il apprenne à faire de la moto, hein. Ah là là, mais je crois qu'il viendra tout à l'heure, Pamela, pour te faire plaisir, pour faire le clash de la drague contre Romano. Ah, ben moi je partirai à ce moment-là. Justement, j'ai des courses à faire. Ah bah, j'irai au Monoprix, j'ai vu qu'il y avait un Monoprix. Tu vas essayer le coiffeur à sortir, quoi. Non, Pamela est chaud. Ah, oui. Pamela est chauve. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Ah ouais, c'est vrai que t'es chauve. Mais j'ai ma perruque, merde. Je suis blonde et brune. Une perruque blonde et brune, mais elle est chauve, sinon, là. Bon, je vous pose la question. Vous voulez la question tout de suite? Allez, la question pour la PS4 Slim. On voit quoi, la question? Bah oui. Non, la PS4. Ah, je préfère ça, gros. Toi, t'es malin, toi. Hein. La PS4, je ne te l'enverrai pas. Par contre, la question, la voici. Voici la question. Ce matin, on a parlé des galères, c'était en fin de morning. Hein. On a parlé des galères à cause des jeux vidéo, et plus précisément des galériens à cause des jeux vidéo. Il y en a qui ont galéré, je vous parlais du chinois là, qui avait été hospitalisé après avoir joué pendant six jours. Ouais. Bon, il était dans une couche, donc il chiait dessus au bout d'un moment, ça s'est infecté, ça a fait des boutons. Et... Ouais, pas bon quoi. Bah oui, parce qu'il faut la changer la couche. Il a gardé la même couche pendant six jours. Problème d'hygiène corporelle. Il y avait aussi un petit problème avec ses pieds infectés parce qu'il a gardé les chaussures. Ah, voilà, et ses pieds seul, ont commencé à pourrir à l'intérieur. Ah merde. Donc ça c'est une des galères. La deuxième galère, c'est un Français, c'est même une Française qui a assommé son mari, parce que son mari jouait tout le temps à la PlayStation. Bon, elle se sentait délaissée, elle a craqué et elle s'est dit, oh bah tiens, si je lui foutais un coup de PS4 sur la gueule, bam, elle lui a foutu un coup de PS4 sur la gueule et bam. Alors la question que je vous pose, et attendez mon top pour la bonne réponse, la question que je vous pose, c'est qui était numéro 1 de notre compile de 9h-5 ce matin, la compile des galériens de jeux vidéo. C'est une galère avec une console, donc. C'est un Américain forcément, qui a été conduit aux urgences à cause d'une console ou d'une partie de la console. Vos réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et comme ça, eh ben pour le premier ou la première, la PS4, la deuxième PS4 Slim a gagné. Mais c'est pas tout. Il y a également deux jeux avec. Oui, on vous offrira également FIFA 17, le nouveau FIFA qui sort dans 15 jours, et NBA 2K17 à gagner. Tu vois, Romano, on fait tout en cœur. À gagner ce soir sur Skyrock. Donc, vos réponses très vite. Je donne le top. Allez-y. Pourquoi il s'est retrouvé à l'hôpital, l'Américain, qui a été conduit aux urgences? Vous saurez tout dans un instant. Ouais. Bon, on se prépare pour le clash et on va accueillir Pamela maintenant. Il n'y a aucun souci. C'est l'heure des pervers sur Skyrock, on les aime, allez. Ah oh, oui. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que trois doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Salut beauté. Ouais, salut beau gosse. Salut Pamela. Salut tout le monde. Alors, on va faire un petit test. Un petit test avec Pamela avant de lui présenter les pervers. Tu vas me dire si tu aimes bien les morceaux que j'ai choisi ce soir pour l'émission. Vas-y, envoie du son là. Alors, j'ai envie de. T'as envie de danser. Ah, attention, Pamela danse pour vous. Est-ce que tu aimes bien ça? Pra, pra, pra. Oh. C'est Panda. Panda designer. C'est le son qu'on va écouter là. C'est bien ça. Hein. Panda. Tu aimes bien Pamela? Oh, j'adore. Eh ben nous aussi, on adore. Oh, je dab. Donc on le met. Oh, elle vient de faire un dab. Oh, mais tu dab quand même super bien. Allez, hop là, je redab. Oh, elle redab. Waouh. Oh, mais le dab bien, c'est ouf. Ah, ouais. Bon, donc Panda, on garde. Et ça là. Ghetto Phénomène et Jules. Maria. Mais tu continues de daber comme une folle, dis donc. Et hop là, et je dab. Et elle redab. Et je dab à droite, et je dab à gauche. Et elle dab au milieu. C'est la elle folie. Dab partout, c'est ouf. On écoutera Ghetto Phénomène et Jules aussi tout à l'heure. J'aime bien ce morceau. C'était les invités de Planète Rap la semaine dernière, ils sont sympas les Ghetto Phénomènes, on les salue, GP, Ghetto Phénomènes et Jules, et ça t'aimes bien Pamela? Ah, c'est Binta. Mais oui. C'est une kamikaze. Tu es une kamikaze. On écoutera Binta aussi. Binta. La. Alonso. Pamela. Bon, Pamela,

du chinois là qui s'était chié dessus, qui s'était infecté au niveau du cul et des pieds. Oui, c'est ça, ouais. On vous a parlé de la meuf française qui avait explosé la PlayStation sur le crâne, sur la gueule de son mec. Sur le crâne de son mec. Elle l'a assommé, le mec est tombé dans les pommes quand même. Elle a craqué, parce quoi. Qu'elle en pouvait plus qu'il joue. Et là, je vous ai demandé qui était numéro 1 de la compile de ce matin. C'est un Américain qui a été conduit aux urgences et je vous ai demandé pourquoi. Pourquoi ? Et ça vaut la PS4 Slim, la bonne réponse. Exactement. Alors, plusieurs réponses que vous nous avez données. Doudou, qui nous a dit, s'est fait électrocuter par la PS4. Non, c'est pas ça. Papy Chauve qui nous a dit, ah, tu te rapproches, toi. Il a baisé la plaie. C'est pas exactement ça. Quoi d'autre que vous nous avez dit? Il s'est inséré un jeu dans le cul. Ah, pas loin. Ah, je vois qu'on se rapproche. Pas loin, on se rapproche, mais c'est pas ça. Il y a Centurion 69, il a ragé et a cassé son écran qui lui est tombé dessus. Ouais, non. Bah, il y en a plein qui nous ont dit qu'il a cassé la télé, il a explosé la télé. Non, bah, c'est pire que ça. Il y a Husky enfoncé le boîtier de jeu dans le cul. Non, t'es pas loin, c'est dommage. On a Momo qui a la bonne réponse avec nous et qui est en direct. Bonjour Momo. Salut Diffoul, ça va bien? Salut Momo. Et toi, ouais, salut, comment ça va Momo? Salut Romano, salut Karim, salut ouais. Marie. Salut. Salut tout le monde. Salut mec. Salut les filles. Et salut les filles. Donc Momo, t'es à 25 ans, t'es dans le 9-4 et t'as la bonne réponse. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'Américain et pourquoi il s'est retrouvé aux urgences? Bah écoute, hein, c'est ce que vous avez dit juste avant, sauf qu'il s'est rentré la manette dans le cul. C'est la manette, c'est pas un papier. La manette dans le cul. Eh bien oui, Momo, et tu gagnes ta PS4 Slim. Bien joué. Mortel, super cool, Diffoul, bien vu. Eh ben, c'est toi, bien vu. PS4 Slim, elle est pour toi. Plus NBA 2K17, le jeu qui sort dans une semaine, il est pour toi aussi. Plus FIFA, le jeu qui sort dans 15 jours, FIFA 17, il est pour toi aussi. Ouais, voilà. Et te fous pas la manette dans le cul. Merci Skyrock, merci toute l'équipe, c'est super cool. Alors, est-ce que tu envisages de te mettre la manette dans le cul si tu... Non, pas du tout. Non, parce que bon, hey, c'est quand même la nouvelle PlayStation. Ah bah, tu sais... Vu la forme du truc, comment le mec a eu l'idée de se foutre ça dans le cul. Bah, il a l'anus souple. Ouais, il a l'anus souple et après il a fait vibrer la manette dans son cul. Bah, genre, il jouait un jeu de bagnole, il se mangeait les murs exprès. Ouais, Momo. Ouais, Momo. C'était quoi l'auditeur qui disait, ouais, il a niqué la play. Comment tu lui niques une play? Je sais pas, tu la mets dans le. Ouais, faut avoir une petite bite ou une bite plate. Ah ouais, ouais, ouais, c'est ça. Dans la fente. Oui, dans la fente, mais faut avoir une bite très fine et très plate. Dans ce cas-là, à mon avis, ça peut marcher. Sinon, c'était une petite proposition. Comme les autres, vous avez raison de tenter le coup. Hein. Et peut-être qu'avant minuit, on va essayer de vous enfiler une autre. Avant minuit, une nouvelle PS4 Slim pour vous, plus FIFA, plus NBA. En tout cas, pour toi, Momo, tu peux plus jouer hein, ce soir. C'est fini, hein, je te le dis. C'est plié, bien joué quand même. Faut en laisser... on peut pas jouer pour un autre maillot après. Non, faut en laisser pour les autres. Un peu, ce soir. Laisse-en pour les autres. Il s'est pas fouetté avec le chargeur de la manette. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. C'est qui m'avait dit ça? Nick qui nous avait laissé la réponse. Merci Nick 62. Salut à toi Nick 62. Bon bravo Momo hein. Tu nous diras comment elle est la PS4 Slim. Ok, y a pas de problème. Je vous remercie bien. Merci Skyrock et merci à toute l'équipe. Et franchement, merci à celui qui a répondu. Il a été super cool avec moi. C'était Sam. Non, c'était Karim. Karim, c'était moi. Karim. Ouais, bah oui, vu que Cédric il est à l'hôpital là. Il est retourné chez lui. Hier, il a passé sa soirée à l'hôpital. Il a dormi là-bas. Ils l'ont expulsé. Mais ils l'ont foutu dehors. Oui, ce matin, ils ont expulsé. Je sais pas pourquoi. Ils ont dit stop, on en a marre, monsieur, il faut partir. Ouais. Bon. Là, il est retourné à la maison. Ben, on va le retrouver pour le clash dans un instant. Clash de la drague plus Pamela aussi à retrouver. Ouais. Pamela, viens voir. Bisous, Momo. Ciao. Allez, bisous à tout le monde, ciao. Salut Momo. Je veux la PS4, nous dit Eamon. La PS4 arrive, t'inquiète pas Eamon. Il y en aura une autre avant minuit. Bon, allez, le PSG, ils en sont où? 4-0, toujours ça n'a pas bougé. C'est ça. Di Maria sort et laisse la place à Augustin. Et à Cavani qui est sorti aussi. Et Cavani a marqué 4 buts, t'imagines 4 buts de Cavani. Ça suffit pour lui. C'est un truc hallucinant, on est dans la 7ème dimension. Mais c'est ça. Donc, Caen 0, PSG 4, et il reste une demi-heure de jeu pile. On suit la dernière demi-heure en direct sur Skyrock, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on prépare Ghetto Phénomène et Jules. Et tout de suite, on retrouve Pamela et ses pervers. C'est l'heure. C'est pas trop tôt? Eh ben attends, Pamela, on avait plein de choses à faire et en plus, c'est pas fini. Hein. Ah, dans un instant, je vous demanderai votre avis musical sur un truc que je vous ferai écouter. Vous me direz si c'est bien. C'est un auditeur de Skyrock qu'on avait eu la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et qui nous avait promis de nous faire une prod. Et vous rappelez, il fait du beatbox. Ouais. C'est Brolic. Ouais. Et ben on va le retrouver, Brolic. Brolic le Marseillais. Ouais, Brolic le Marseillais. Ah, génial. Je n'ai pas écouté, mais c'est super. Non, si. Ça vient de Marseille. On a écouté avec Romano, c'est vachement bien. Ah, moi, j'ai pas écouté, moi encore. Ah, ouais, c'est bien fait, ouais. Je découvrirai ça avec vous. Bravo, c'est le talent. Il est là, Brolic. T'es là, Brolic. Je suis Je suis là, frérot. T'es pas aussi fort que le prince du hip-hop, mais. Non, mais pas loin. Tu t'en rapproches. C'est vrai, c'est gentil, merci. En plus, t'as fait du beatbox sur un morceau de soprano d'un autre Marseillais. Ouais. Ben ouais, j'ai écouté vos conseils. Eh ben oui, Marseille représente ce soir. T'as bien fait. Voilà. Bon, Marseille, on t'encule aussi. Aussi, ouais. C'est autre chose. Bon, bouge pas, Broly, qu'on te retrouve tout de suite. Mais d'abord, les pervers de Pamela. Tu vas pouvoir donner ton avis aussi sur les pervers de Pamela. C'est les mecs qui ont laissé leur numéro, oui. Qui ont laissé une petite annonce sur le répondeur de Pamela pour pouvoir la séduire ce soir. Elle est vraie. T'es tellement séduisante. Ils veulent tous me séduire. Eux aussi, ils sont séduisants. Tous de défourailler. Et tiens, avant qu'on écoute tes annonces, Pamela, je voulais te donner une conversation par mail parce que depuis hier, on parle avec un pervers. Ah. Tiens, je te c'est celui que vous avez dragué avec la photo de Pamela. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, imaginez Romano avec une perruque, hein. C'est un peu la tête de Pamela. Il y a 20 pages, bon, je t'ai mis une petite flèche à côté des phrases croustillantes. Mais le mec est ultra chaud depuis hier. Qu'est-ce qu'il te demande, Pamela, le mec? Tu as envie de te faire. Tu adores vraiment te faire lécher bien crémeuse. Ah, ah Igor, achetez. J'ai envie que tu parfumes ma bouche de l'odeur de ta fente. Tu sais, j'adore bien nettoyer, bien lécher. J'adore avoir toute la bouche bien baveuse de mouche, bien odorante. Comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle. Sur le truc, tu peux dire. Michel. Envie Cuny. Et son prénom, c'est Michel, on m'a dit. Tu es bien odorante du sexe. Oh putain. J'adore, tu dois avoir la fente bien crémeuse et bien odorante. Ah, lui, il aime bien le crémeux, lui. Hein. Ah ouais, c'est dégueulasse. La crème, il aime bien. Ouais. Tu es souvent gluante. Tu es gluante actuellement, Pamela? Extrêmement. Oui, gluante, collante, bien glissante, voilà, bien parfumée. Comme mon visage. Là, j'adore bien me barbouiller la bouche. Lui, il est bien arrangé, lui. Les dernières pages, ça part vraiment gore. Hein. Je sais pas s'il faut les lire. On a son numéro ? Ouais, il y a son numéro. Ouais. C'est quoi les dernières pages ? Même capable de te lécher. Attention. Pleine de pisse. Voilà. Moi, je vous avais prévenu en même temps. Oh, non. Oui, c'est vrai qu'on le mec, ça fait 24 heures, il envoie des mails, si tu veux. J'avoue aimer lécher quand ça ruisselle. Oh non. Ça va ruisseler, tu vas voir. Tiens, il y a ma bite dans mon cul. Putain, c'est un petit message de ma bite dans mon cul qui dit j'ai envie de vomir. Ta gueule, Pamela, s'il te plaît. Ah, c'est Michel. C'est un ouf, lui, nous dit le poteau des 95. Il est sexy pour Joel. Il m'excite pour Rakouk. Salut Rakouk. C'est une fille en plus. Bisous à toi, ma chérie Rakouk. Dégueulasse ce pervers. Vous trouvez qu'il est dégueulasse? Non, à peine. Donnez-moi de la bière, je vais avoir envie de pisser. Ah ouais. Il attend. Donc, que ça. Lui, on va lui passer un petit coup de fil, là, à ce Michel. Et on a d'autres à vous faire écouter. Ouais. Écoutez ouais. Bien avec nous. Voici. Les pervers de ce vendredi soir. Mal dominateur, prends un petite salope de travesti ou femme vicieuse cochonne. Ah. Une bonne prise en main. C'est une bagnole. Bonne prise en main du véhicule. Deuxième main. Le mec, il achète une voiture. C'est spécial. Voilà, il achète une voiture et il est mal dominateur. Bonne petite salope. Mal dominateur, prends un petite salope de travesti ou femme vicieuse cochonne. Une bonne prise en main. Au 06 18. Bon, on le met en stock celui-ci. Mal dominateur, donc première annonce, premier pervers. Par contre, je ne suis pas un travesti. Hein. Non, alors ça quand même, je tiens à le dire aux nouveaux auditeurs et aux nouvelles auditrices de Skyrock. Pamela n'est pas un travesti, Pamela est une femme. Oui, une femme. Oui, oui. Une vraie. La gueule de la voix, on nous dit aussi. Oui, c'est vrai, la gueule de la voix. Ah, une bonne voix. Parce qu'elle est malade en ce moment. Alors, non mais il parlait du pervers. Non, il parlait du pervers. Je parlais de toi. Moi j'ai une voix magnifique du con. Et depuis que Karine s'est assise à la place de Cédric, j'ai l'impression que tu prends complètement son rôle en main. Ouais, il y a un truc. Ouais, gros. Non mais de toute façon depuis le début de l'année, je te considère plus con que le Belge. Ouais, mais non, Hachem gros. Ah si, plein de fois on a fait des tests. Il est dégoûté le pauvre. Un peu culture générale, à chaque fois t'as foiré gros. C'est vrai, Cédric c'est vrai. Avait bon. Ah, méfie-toi, il a dû réviser cet été. Pas toujours. Oui, bon, meilleur que Karine en tout cas. Bon, on y va pour le deuxième. Deuxième petit message pour Pamela sur son répondeur. Oui, bonjour, c'est Franck, j'ai 45 ans, je recherche complicité féminine pour m'amuser et m'éclater. Oui. C'est fini. Vous pouvez me joindre au 0787-95. Il fait des breaks, là. Non, c'est il savait plus ce qu'il avait à dire. Oui. Le mec, c'est un militaire. Oui. Bonjour, c'est Franck, 45 ans. Garde à vous. Bon, bah, à côté des deux, à côté de Michel, là, que tu nous as lu, et à côté du mal dominateur qu'on a écouté. Ah, lui, il est soft, hein. Il est normal. Ouais, il est normal. Ouais, il a l'air. Non plus, par rapport aux autres, on va dire. Bon, là, on a Pascal à vous présenter. Écoutez bien, Pascal. But du PSG. Ah, alors, arrête d'interrompre les pervers contre, comme ça. But du PSG. Oh, putain. Et c'est Lucas qui a marqué. Ah, Lucas. PSG. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Ah oui, c'est le roi du champion, mon frère, Lucas. C'est Paris. Ça fait 5 buts. Hein. 5-0, ouais. 5-0 pour le PSG face à Caen. Eh ben, peut-être, ça y est, c'est enfin parti, le PSG. C'est parti, là. Gros. En plus, il est beau, le but. Regarde, bam, frappe de loin. Ouais, c'est vrai, il a fait un beau but. Hein. Mais je l'aime bien, ce Lucas, moi. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Marrant, quand il marque, je l'aime bien, ouais. Tu dois être amoureux de Cavani ce soir. Là, ce soir, mais là, je bande sur lui. Ouais. Tu nous écoutes dans les vestiaires, Cavani. Karim est très, très excité par toi, là. Et ben voilà, encore un but du PSG. On en est au cinquième. Dure soirée pour les Canets, hein, quand même. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est le meilleur. Pas Callaghan, tiens, supporter de Caen. Ah ouais. Fion Callaghan. Callaghan, ça peut être facile, pas mal, toi. Bravo le PSG. Champion, mon frère. Et Mathieu dit, laisse sa place à Thiago Motta qui rentre. Oui. Allez, c'est parti. Alors, on en était où? Ah ouais, on a été interrompu sur le message, le très beau message de Pascal. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Une boîte à sperme, lui. Au 06 25. Bah, il va crever, là. En train de chier ou quoi? Ah oui, c'est ça. Je suis en train de pousser. Pascal de Lille. Pascal de Lille. Pascal de Lille. On salue tous les Lillois et les Lilloises. Il a le cul fumant, quoi. Les Lilloises qui nous écoutaient, vous habitez peut-être juste à côté de chez lui. Quelle chance. Mais ouais, vous en avez de la chance. C'est un truc de fou. Vous imaginez, vous avez ça à côté de chez vous. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Une boîte à sperme. Au 06-25. En fait, le mec, c'est le père Fouras, quoi. Ouais. C'est un... très il cherche quoi, des boîtes à sperme? Oui. Ah, bah, il veut te remplir, quoi. Oui, il veut te remplir, Marie, tu donc, vois. Donc, c'est une nana, en fait, une boîte à sperme. Ah, c'est sympa. Tu es très intelligent. Ouais, t'as vu un peu? Vraiment, alors là-dessus. Il y en a là-dedans. Autine du 64 nous dit, mais il chie pendant qu'il fait ses annonces. Oui, on a l'impression. C'est possible. Ouais, c'est ça, c'est le père Fouras. Il a son oxygène à côté. Je sais pas. Non, il était en train de chier, c'est possible. J'ai une énigme, je cherche une boîte à sperme. Vous connaissez le prénom du père Fouras? Il ne s'appellera pas Pascal, par exemple. C'est possible. Vas-y, mais voir l'annonce avec la musique de Fort Boyard. Alors, attention, voici Pascal, peut-être le père Fouras. Pascal de Lille recherche. Ça passe, c'est lui. Une boîte à sperme au 06-25. Ça me attraper la clé. Oui, et Pascal, il avait laissé une autre annonce. Ah, elle est en dessous. Il avait déjà laissé. Ouais, mais je sais pas si on l'avait déjà. Elle est ancienne, mais je sais pas si on l'avait déjà écouté. Mais il chiait déjà. J'ai retrouvé cette annonce, donc il en avait déjà. Mais la même voix. Ouais, bah c'est lui, je pense, on va l'écouter. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. C'est le même, non? Qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien qu'on s'occupe de moi. Ouais. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. Ah, de moi. Sur l'île. Sur l'île. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Mais il a la voix qui s'est dégradée quand même. Oui. Une boîte à sperme. Le mec, il a pris 10 ans l'espace de 2 heures. Ouais, c'est clair. Il recherche une boîte à sperme. Si vous en connaissez une du côté de Lille, n'hésitez pas à lui rendre service. Sinon, Pamela ira faire un petit tour du côté de chez Pascal. Mais aucun problème, j'adore être une boîte à sperme. Pascal de Lille. Je me disais, ce vendredi soir, je ferais bien boîte à sperme. Mais quelle bonne idée. Ça changera. Mais oui. C'est cool. On passe à Christian maintenant. Allez. Alors, Christian, un autre qui a laissé une annonce. Bonjour. Déjà lui, déjà. Le mec qui grogne. Bonjour, je suis Christian, j'ai 50 ans, d'ailleurs je suis sportif. Je recherche une relation câline dans le respect de la sincérité. Ah, c'est bien. Je préfère les femmes fortes. Ah, j'ai un différent. Je reçois mon téléphone 06 43 06. Bisous, à bientôt. Bisous, bientôt, bisous, à bientôt, Giro 6. C'est Christian. Ouais. Christian. Il a moins. Ouais, j'adore une femme forte. Christian, femme forte. Si on l'appelle Pamela, on dira que tu mesures 1m70, t'es mannequin, mais que tu pèses 150 kilos. Ouais, c'est bien. Oui, c'est ça. On va voir. Je crois lui demander d'aboyer aussi. Oui. Le mec aboie, oui, au début. J'en reviens d'ouvrir sa cage, il est content. Ils sont pas humains, les mecs. Ben non, lui, c'est un chien. Bon, c'était le quatrième. Allez, on écoute un autre. Allez, un autre. Et tout à l'heure, Pamela, avant minuit, il faut serrer. C'est ton défi, le défi que je t'ai donné pour ce soir. C'est peut-être vous. Ah, c'est grave. J'imagine en me masturbant. 01, 83, 89. Salut. Lui, c'est un habitué, lui. Ah, c'est clair, lui, il traîne sur le réseau, mais tout le temps. Lui. Ah, c'est fini. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. On la voit. C'est peut-être vous. Ah ouais, non, vous. Mais laisse tomber. C'est peut-être. Ça te fait flipper déjà. Ah bah tu m'étonnes. T'interroges ton répondeur, tu entends. C'est peut-être vous. T'as l'impression que t'as fait un truc pas bien, que t'as volé quelque chose. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Celle que j'imagine en me masturbant. 01 83 89. Très bien. C'est fini. Ok. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. C'est toi. Bon, alors là, lui, mais... voilà pour Pamela. Allez, un petit dernier pour Pamela. Hein, on ne se prive Allez. Pas. Oui, Pam, je t'appelle au sujet d'une annonce que tu as passée sur le site du truc. Tu peux me rappeler au 06 32 12. Écoutez, pas mal. Allez, ça, il donne envie. Il est vif, lui. Une autre au hasard. 06 43, précis. Pour une conversation sympa par téléphone, 06 43. 0643. Oui, on a compris. Le mec répète 20 fois de lui. 0643. T'as l'impression que c'est une pub. Oui, appelle le 0643. Oui, à son sensation, moi. 0643. Même quand on les prend au hasard, ça déchire. Donc, les pervers de Pamela et tous les messages qu'elle reçoit, elle en reçoit un paquet. Hein, pour ceux qui nous demandaient ou qui se demandaient combien elle reçoit par semaine, je sais pas, on est à plus de 100 messages par semaine, au moins. Et je racole aussi en live sur des réseaux. Ouais, et ce soir, tu vas aussi racoler en live sur les réseaux. C'est vrai, tu fais bien de le signaler. Ah, bah oui, t'as le mail de Michel. Peut-être que tu seras sur Smax ce soir. Ah bah je serai partout. Elle sera partout. Attention, si vous allez draguer ce soir, faites gaffe. Méfiez-vous. Bon, je vais vous faire écouter le son de Broly qui est avec nous. Tu as entendu les pervers, Broly? Ils étaient pas mal, hein? Ouais, moi j'aurais une préférence pour Pascal, hein, je te dis de suite. Ouais, moi Pascal, je l'aime bien aussi. Pascal, c'est lui, hein. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Voilà, boîte donc, c'est ton préféré, Pascal. Sperme. J'aime bien celui qui aboie, moi aussi, là. Alors, dites-nous lequel vous préférez, puis on les testera tout à l'heure. Il y a le mâle dominateur, il y a Franck, 45 ans, il y a Pascal Delire qui recherche une boîte à sperme, il y a Christian aussi qui recherche une femme très, très, très, très, très forte. Ah ouais, il aboie. Voilà, et donc vous nous dites ce que vous en pensez, puis on appellera dans l'ordre ceux que vous aurez préférés tout à l'heure. Bonne chance, Pamela, et bonne séduction. Merci d'être là, comme tous les vendredis. Ça fait plaisir. Ça me donne envie, tout ça. Ah bah, moi aussi, tu sais, que j'aurais une demi-molle, là, que... Ah, j'ai la chatte gluante. Ah, mais c'est pas... Voilà. Elle glue. C'est pas étonnant, ça. Ah. Allez, Pamela, ose, appelle-moi, tu seras à moi toute la nuit. Attends, tu te fais draguer aussi sur le 41759, sur l'appli. Bébé de Pamela. C'est bébé de Pamela, 27 ans, qui te drague. Je vais voir. Et ça vote pour l'autre qui aboie, il est trop bon. Pascal aussi pour... Tiens, comme toi, Richard. Pascal pour... putain, il y en a plein pour Pascal. Hein, pour Omer, pour SG Gamer, pour Soprano. Le numéro 3 pour Kikim. Bonjour Kikim. Pour Pamela Fan également, il vote pour Pascal. Hein, Pascal a beaucoup de succès là, je vois. Hein. Bon, allez, vous nous dites. Et puis dans un instant, on y retourne. Mais aucun souci. On voulait faire écouter ce que tu nous as préparé. Parce que la semaine dernière, les plus fidèles le savent. Ouais. En tout cas, ceux qui étaient là jusqu'au bout de l'émission, t'avais eu un soir tard, hein, dans l'émission, ouais, Richard. Ouais. Donc Richard alias Broly, c'est le même. Hein. Donc t'es à Marseille et tu nous avais dit que tu faisais du beatbox. Tu nous as fait une petite démonstration, c'était marrant. Et puis on t'a dit, ce serait bien que tu fasses un morceau. Ben en fait, pour expliquer l'histoire, quand c'est passé un peu tard, j'ai expliqué que j'avais fait un premier son qui avait bien marché, le deuxième un peu moins. Et du coup, vous m'avez conseillé de faire le son de Sopra, donc du coup, j'ai fait le son de Sopra. Alors, vous écoutez et bien, donc c'est très très bien fait. C'est tout fait avec la bouche. Ouais, non, mais il est bien. La bouche et l'enregistrement est fait par un ami à moi, Alex et Joe, qui a fait des clips aussi pour Sopra. Ah, d'accord. Ils ont filmé tout ça, c'est bien fait. Fresh Prince, tu nous as fait. Ah, parce qu'il y a la vidéo en plus. Ouais, il y a la vidéo. Donc, on va vous la mettre sur tous les réseaux. Vous écoutez bien le morceau, vous nous dites ce que vous en pensez. Donc c'est tout fait avec la bouche, il n'y a pas un instrument et rien. Je te jure, aucun instrument. C'est du beatbox. La bouche et son cul. Il l'a fait avec son cul. Cédric fait du beatbox avec son cul également. Non, mais si t'arrives à faire un truc comme ça avec le cul, gros, Ah ouais. Bah là, il faut aller à incroyable talent. Hein. Ah ouais, direct. Salut les filles. Ah, c'est joli, Cédric. Oh, très beau beatbox anal, Cédric. On va écouter quand même le truc de Broly. Tu préfères? Ouais, c'est clair. Bon, écoutez bien et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, il a tout fait avec la bouche. C'est Fresh Prince de Soprano. Jeffrey.

nous dit Dark Walls. Bien sûr, quand ils chantent, Sopra, ça veut dire que, bien sûr, Sopra, il a mis l'autotune, tu vois, Jules, met l'autotune. Mmh. Donc quand je refais leur son, je suis obligé de mettre l'autotune aussi, tu vois. Toi aussi, t'autotune. Bon, mais en tout cas, super. Ah, mais ça va, c'est super bien fait, hein, franchement, bravo. Donne tes adresses pour écouter tout ça, pour écouter tes sons, pour te parler. La vidéo, on la met sur les réseaux de Skyrock, vous allez sur le Facebook de Sky. C'est gentil, merci beaucoup. Partout, partout, partout. Tu as du long, tu vas voir. Ça me fait gravement plaisir. Et pour me suivre, en fait, tout simplement, il faut sur YouTube, on tape Relic, donc BRELI-6, donc K. Ouais. Sur Facebook, pareil, Relic, BRELI-6K. Et voilà, pour le reste, pour Snapchat, c'est BRELI-6K13. Parce que voilà, on est de Marseille. Et puis voilà, après, c'est tout tourne autour de tout ça, quoi. Bon, bah en tout cas, super, t'as du talent, c'est bien, Relic. Ouais, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir. C'est que, comme je disais hors antenne tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que Sopra... Ah, un jour, quand il y a Sopra, on lui fasse écouter. Ah, tu veux qu'on lui fasse écouter le morceau quand il vient dans l'émission? Bien sûr. Bon, prochaine fois qu'il vient à Sky, vous nous y faites penser, j'y penserai, moi aussi. Parce que j'ai une très bonne mémoire et un très beau cerveau. T'inquiète. Et on te passera un coup de fil, Brolic. Ah, ça va, c'est super gentil, les gars. Merci à toi. Tiens, mon frère cherche des nouveaux talents pour son industrie qui est très connue. C'est My Name, 21 ans, qui t'envoie un message. Quentin OM qui nous dit c'est quoi son nom? Brolic, B-R-E-L-I-K. Voilà, Brolic le Marseillais. Ouais, c'est ça. Bah écoute, bravo à toi, Brolic. Ouais, merci, bravo. Merci. Bravo, tu as un incroyable talent, bravo. C'est vrai, ouais, t'es doué. Eh, mais les gars, si vous voulez, enfin, pas à chaque fois, mais quand j'ai un gros truc, quand je fais un gros son, si vous voulez, je vous tiens au courant. Vous serez au courant de tout ce qui se passe chez Brolic. Alors, on va vous en faire, ouais. Restez bien sur Skyrock, on vous dira tout. Merci, Brolic, salut à toi. Merci. Bonne continuation. Bravo. Chapeau l'artiste. Bravo. Tiens, on va rester à Marseille, on va écouter le son de Ghetto Phénomène et Jul, là, tout de suite sur Skyrock. J'adore ce son. Plus. Il y aura du Ken Jones qu'on écoutera tout à l'heure, du Alonso Binta, je vous l'avais dit. Et puis à minuit, ne loupez pas le rendez-vous spécial PNL sur Skyrock, la nocturne spéciale PNL. Ouais. Ce sera avec Fredo. Et dans un instant, place à l'amour, place au love. Tiens, rappelez Cédric dans son lit, on va le retrouver. Je le rappelle. Plus sexy et odorant que jamais. Oh ouais. Ah ouais, ça. Ah, je Marie. Me suis pas lavé pour vous. Merci Cédric, c'est super. Ouais, c'est donc clair. Dans un instant, Cédric Romano, le clash de la drague à suivre, de la drague en live. Et les pervers de Pamela qu'on a écoutés là, on les oublie pas. Hein. Avant minuit, on les retrouve. Et puis vous le savez, à n'importe quel moment, vous pouvez débarquer ici. On est en direct, il est 22h28. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20 et sur le 41 759. Et l'appli, vous laissez vos messages. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Tu refais là. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, Encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning Daddy Fool. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Kaira. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Gouix. Braqueurs en Blu-ray, DVD et VOD. Avec Skyrock. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Julien Télouk. C'est un truc de fou! J'adore! Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouine. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis, en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat, CHAT, au 62.

au phénomène sur Skyrock est au phénomène. Les potes de Jules. Et Jules est sur le morceau aussi. On écoutait Maria Maria. Difool. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Oui, et une info de dernière minute qui vient de tomber. Attention, attention. Romano, tu veux nous en faire part d'ailleurs. Bah moi je vais vous dire la vérité. Et voilà. Dis-nous la vérité, Romano, on veut tout savoir. Alors, le clash de la drague va avoir lieu dans quelques minutes. Oui, clash de la drague à suivre. Ouais. Bon, on a eu Cédric tout à l'heure en début d'émission. Oui. Là. Et là, bizarrement, au moment du clash, le mec n'est plus joignable. Il a disparu dans la nature. Ou alors il s'est endormi. Ouais, il s'est endormi au mon cul, ouais, c'est, il fait la baltringue, ouais. C'est... Et d'après toi, Romano, ça viendrait d'où? Bah, le mec a peur. Tu penses qu'il a peur de toi? Je pense que je le terrorise. Depuis la rentrée, il n'en a pas gagné un. Bah oui, je sais, mais il a été malade aussi, il a eu son problème là. Il était malade une fois. Hein. Bah oui. Une fois où il n'était pas là. Hein. Et j'ai gagné quand même, c'était lundi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, bah ouais. Non, non, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Non, mais c'est vrai. Et en parlant de gagner, le PSG, c'est fini. Ouais. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ouais. Et attention, ils ont gagné 6-0. Ouais. 6-0, ouais. Ils sont vengés un petit peu. Champion, mon frère. Ah 6-0, ouais. Le PSG, quel match. Et 4 buts de Cavani, ça vous imaginez quand même. Ah tiens, juste pour le match du PSG, j'ai Callaghan au téléphone avec nous. Callaghan, ouais. pas trop mal au cul? Oh, complètement là, c'est lamentable. Mais je précise pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices de Skyrock que Callaghan est un des supporters du Stade Malherbe. Est-ce que t'as le cul bien ouvert, gros? Faut pas avoir honte, c'est pas grave. Il m'a dit qu'il se mettait du rouge à lèvres à l'anus là. Oui, il faut. Mets-toi du labello, t'as bien raison. FPD qui arrive. Callaghan, toujours la grande classe. La grande classe de Callaghan. Il est très énervé. Ouais, très énervé. Bon, 6-0. Prendre 4 buts de Cavani, c'est peut-être le pire en plus. Ah, c'est ça le pire. Le mec, on marquait pas ce soir, il en a mis 4. Quoi. Moi, j'avais annoncé qu'il allait mettre un triplé tellement on était nuls. C'est bien, vous l'avez relancé, les gars. C'est bien, mais il a mis un quadruplé. Voilà, il est pas mal, hein. Pas mal le Cavani hein, ce soir. Et oui. Il est au max. Bon ben, non mais t'inquiète, je vais te venger au clash de la drague. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. En baisant, je ne sais pas trop qui pour le moment. Mais pas Cédric du coup. Alors je vais baiser quelqu'un. Je propose. Eh, non, il fait sa baltringue. Le mec est plus joignable au moment du clash. Eh ouais, on devait l'avoir et en fait, ouais, il n'est plus joignable. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a peur de Non mais essayez peut-être de le rappeler. Appelez-le que je lui laisse un petit message. Non mais ça, c'est pas la peine. Sa messagerie est pleine. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais il peut pas la vider, ce con. Bah non, il sait pas faire. Je sais pas faire. On lui expliquera comment vider la messagerie. Bon, Callaghan, le clash arrive. C'est incroyable. Sans Cédric, ce soir. Je vais voter pour Romano, bien évidemment. J'espère bien, merci Romano. Mais tu sais même pas qu'on qui joue. Bah, on s'en fout. Bah, toi, je fais le clash avec Marie contre Romano. Ah bah, oh putain. Alors, attendez, on prend qui pour le clash? Parce que moi, j'avais une idée d'une doublette Samy-Karim. Ah ouais, ça aurait été assez joli, parce qu'on aurait fait un Paris-Marseille contre la Bourgogne. Deux contre un. Ça veut dire qu'on te double baisse. Quoi. Maintenant, il faut que vous soyez à deux pour baiser. Mais pourquoi tu chies dans ton froc? Ah, moi je suis pas dans mon froc, moi je suis prêt à vous baiser. Hein. Bah, quand tu veux. Lequel veut que j'encule le premier? Bah, non, mais en même temps. Moi, s'il te plaît. Moi, Maryse. Encule-moi en premier. Je vais m'occuper de ton cas après. Occupe-toi de mon cul plutôt. Je vais m'occuper de ton cul après. C'est très gentil. Il est gentil ce monsieur Grobédo. Bah, vas-y, si les deux pucelles veulent jouer. Mais t'inquiète pas, on va la baiser. Donc, on fait le gland. Le gland. Le gland, ouais, très bien. Le clan ou le croc des pucelles. Mais quoi, les pucelles, t'es malade. Par contre, des grands baiseurs. Je vous préviens direct, les gars, vous changez de méthode. Ah non, Jacques et Michel, c'était bien. Ouais, mec, à chaque fois, c'est Jacques et Michel. Un peu d'originalité, les gars. Alors attendez, je vais vous demander à vous, est-ce que vous voulez que Karim et Samy fassent la méthode Jacques et Michel ce soir, ou alors qu'ils trouvent une nouvelle méthode? Parce que vous pouvez en donner. La méthode, c'est oh, bonjour, je suis Jackie. Voilà. Et Karim. Salut, c'est Michel. Salut, c'est Michel. Salut, c'est Jackie et Michel. On vient passer là pour faire un tour. Mais sans mentir, vous l'avez fait. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un clash, il manquait Cédric ou moi. Ouais, mais non, c'est on fait, non, on avait fait une fois Tic et Tac. Ouais, aussi. Ah ouais. Bon, on va trouver un autre duo. Ah oui, Tic et Tac. Vas-y. Ah bah, je sais pas, moi, faites Boulet Bill, non? Ah, super. Qui fait Bill? Le chien. On va trouver. Bon, allez, faites cette méthode, changez, une nouvelle méthode pour Dja Dja Dja, les pucelles mortes de rire pour T-shirt. Ah, c'est le nom de leur team. Ouais, Jackie et Michel. Et ouais, revoilà c'est Karim et Samy avec les éternelles méthodes Jackie et Michel. Et essayez d'en trouver une autre, ils sont en train de se consulter là. Et on va faire le. Ou Charlie et Lulu? Charlie et Dino, c'est bien, c'est Charlie et Dino. Charlie et Dino ou Las Palès et l'autre. Oui, je pensais à lui, ouais. Voilà. À Charlie Las Palès, là. Ça peut être pas mal, ça aussi. Bon, dans un instant, ils arrivent pour te défier, Romano. T'as vu, ils se sont mis à deux, hein. Ouais, bah. On va te baiser, man. Tu vas baiser. Mais tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'enculer, tu vas sucer Samy. PSG, premier du championnat, à égalité avec Monaco et, bon, ils ont un match en main. Un match d'avance, ouais. Et avec Nice aussi. et premier du championnat, donc le PSG. Différence de but, 8 points, donc 6 aujourd'hui. Ouais. Ah bah, ils ont marqué 6 buts. 6-0. Ouais, ouais, 6 buts, ouais. Bon, Dora et Babouche, on nous propose, c'est quelle ville? Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Truc à la mode. Et Omar et Fred. Ouais. Ouais, ouais, possible. Ah, à l'ancienne, un peu. Jaja et Dinaz, pourquoi vous faites pas. Bah ouais. Ah, salut, c'est Jaja. Salut, c'est Dinaz. Non, bah, ouais, mais après, on fait quoi comme méthode avec bah, après, vous démerdez. C'est vous, vous voulez faire le clash contre Romano, maintenant, vous assumez, il faut les méthodes. T'inquiète, Karim, c'est pas Dinaz, c'est Gronaz. Allez! Pas mal. Bataille et Fontaine, Bataille et Fontaine. Ouais, pas mal. Afida Turner et sa chatte nous proposent ses mariages. Oh, qui c'est qui fait la chatte d'Afida Turner? C'est Karim. Karim, tu fais la chatte. Il est poilu de l'arrêt. Ah ouais, t'es poilu du. Ah, du cul. Sinon, on nous dit, vous êtes des frères jumeaux. Non, ça va, merci, on va pas prendre cette méthode. Et sinon, Marc Dutroux et Emile Louis, ça vous branche pas. Sinon, il y a Guy Georges. Ouais. Ah, Guy et Georges. Salut, c'est Guy Georges. Il y a Eric et Ramzy. Aussi. Ouais, ouais, pas mal. Bon, ouais, allez, la méthode de. Jean-Marie et Marine aussi. Yavol. Yavol. Ah non. Bon, allez, dans un instant, votre clash de la drague de ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, Angelo qui voulait nous parler absolument. Bonjour, Angelo. Ouais, allô, allô. Allô, allô, Angelo du 93. Coucou. Mais ça va ou quoi? Ça va pas mal. Je suis sous Sky là? Ben, en direct, oui. dans le monde entier même. Eh oui. Mais non. Mais si. Eh ouais. Eh si. Eh si, Angelo. Mais non. Bon, ben, en tout cas, sois le bienvenu, Angelo. Ouais. T'as 18 ans, toi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Allez, présente-toi un peu à tout le monde. T'as quel âge? 18 ans, on sait. T'habites dans le 93. T'es où dans le 9-3? Je suis à Saint-Denis. Saint-Denis, Marine. Note bien parce qu'il veut te parler plus précisément à toi. Ah bon? Oui. Et tu fais quoi dans la vie, Angelo? Comme ça, on te connaîtra, parfait. Je suis étudiant. Étudiant. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'amène? Ça a un rapport avec la Marie. Génial. Ouais. Moi? Ouais. Ah. Ouais, en fait, ouais, comme j'ai entendu sur Skype la dernière fois que on allait bientôt supprimer les sites porno et tout ça. Le toi, site t'es anti-mal. Non, ça c'est en Russie. En Russie, ouais. Ils suppriment Pornhub et YouPorn. C'est ça, ouais. Parce qu'ils ont l'impression que comme ça, les Russes, ils feront plus d'enfants. Ouais. Ouais. Non. Ils iront tout simplement, comme tout le monde, sur d'autres sites. C'est exactement. Et alors, Angelo? En fait, il y a la Marie là, qui m'excite tout le temps. Ah non, mais t'es dégueulasse. Ah, tu conseillerais donc à nos amis russes qui nous écoutent et qui n'ont plus leur YouPorn et leur Pornhub d'écouter Skyrock pour se branler sur la Marie, ce que tu fais régulièrement d'ailleurs, Angelo. Pas régulièrement, mais un peu quand même. De temps en temps. Ouais, souvent. Tu peux coquetter un peu avec elle, histoire de te branler là? Non, mais je ne parle plus. Oh, Marie. Ça me dégoûte. C'est pas ta mijaurée, hein. Non mais attends, tu te branles pendant l'émission en fait. Ouais, ben bah, en t'écoutant, ouais. Ouais, mais ça te coupe pas Angelo. quand je sais pas, Romano ou Cédric parlent. Mais ta gueule. Dégueulasse, Cédric. Non, il est pas là. Non. Non, il est chez lui dans son lit. Je pense qu'il a eu très peur du clash de la drague de ce soir ou qu'il a pris trop de cachetons. Ouais, je pense qu'il est en train de se chier dessus. Ah, tu crois qu'il chie dessus? Ah non, j'espère pas, le pauvre. Chie dessus. Comme l'autre jour quand je suis allé le voir. Après, il peut pas se laver le cul. Hein, pareil. Bon, Angelo. Ah. J'arrive pas à m'arrêter. Quand tu te branles en pensant à Marie, en fait, tu nous appelles pour ça. Quand tu te branles en pensant à Marie, mais tu l'imagines comment? Tu l'imagines avec toi dans un lit, dehors, un plan à la sauvage? En lingerie sexy. De quoi? En tenue sexy. En lingerie sexy. Lingerie sexy. Ouais, et toi, tu lui fais quoi, la Marie, dans ces cas-là? Mais faites gaffe, il va commencer à se branler, les gars. Ouais, a déjà commencé. C'est pas grave, radio libre. C'est dangereux. Voilà. Et tu lui fais quoi dans tes petits rêves sexy? Je la défouraille. Tu la défouraille. Tout simplement. Mais comment? Comment, Marie? Ah oui, dis-moi tout. Défouraille. Vas-y. Elle veut savoir, Marie. Déglingue-moi. Mort de rire, la Marie est gênée, on nous dit. Bah ouais. Vas-y, Marie, excite-le. Non, ça va. Bah si, c'est le message de Greg, il veut que tu l'excites. Non, mais écoute, je sais pas, il arrive à se branler quand je parle normalement, ouais. Donc j'ai pas besoin de faire. Et tu finis comment la fin de la relation? Comment ça se finit? Au fond de sa gorge. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. J'adore. Ah, moi aussi, j'adore. Putain. C'est tellement romantique. Oui. Ah bah, c'est choupignou. Tu finis au fond de la gorge, donc. Mais t'as pas de meuf? Non. Ah oui, c'est ça. Ah bah peut-être, ouais. Bah ouais. C'est vrai que ça peut jouer. Alors pour te faire plaisir, pour faire plaisir à tous ceux qui sont comme toi, d'ailleurs, dites-nous si vous êtes comme Angelo, si vous aussi, de temps à autre, en écoutant l'émission, vous entendez la voix de la Marie et... Ah ouais, vas-y. Ouais, vas-y, absolument, ouais. Ah oui. Bon, ça me dégoûte de le savoir. Oh, ah ouais, je suis sûr qu'elle, qu'elle est contente en plus. Je suis sûr que t'es flatté. Ouais. Ouais, non. J'ai des fans. Ouais. Tiens, j'ai une petite surprise pour toi, tiens, Angelo. Écoute bien, c'est pour vous qui adorez la Marie. Ah ouais. Ah. Oh, les gens. Mais pourquoi avec ma voix? Parce que j'étais avec. Non, j'étais avec une auditrice. Elle y va. Tu te souviens? Elle y va, t'as vu. Si, je m'en souviens, j'étais avec une auditrice. Mais pas du tout, Marie, c'était la nuit dernière avec ton mec. Bien sûr, t'as raison. Avec un non, parce que là, c'est clair que je ne fais pas ces bruits quand je fais l'amour. Oh. Ah non. Oh. Rien à voir. Oh, c'est beaucoup plus fort, je hurle. Ah, mais c'est différent. Allez-y, continuez. Ah bah attendez, super. Il suffit de demander. Hein. Oh. Voilà. Angelo, on t'entend plus, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est quoi? Bah, je me branle. Non, j'essaie d'enregistrer le son pour la prochaine fois. Ah, d'accord, ok. Et ouais. Oh, il est excité, Angelo. Il anticipe. Bon voilà, c'est une petite surprise que... Ah, faites-les faire Bogdanov pour le clash, Karim et Samir. Ah ouais. Ils sont en train de se consulter pour le clash. On se consulte là pour les méthodes. Faites-les faire Bogdanov. Alors les gars, c'est non, mais non. Salut, je suis Igor, salut, je suis Grishka. Alors les pucelles, on galère un peu pour la méthode. Non, t'inquiète. Déjà, les mecs pas de méthode. Si, on a une méthode, mais on cherche nos noms. On peaufine la méthode. Ouais. Nos noms de scène. Très bien. Je me branle pas sur toi, Marie, mais tu la vois la plus sexy de la bande FM. Message de Cédric N, 22 ans dans le Var. Ouais, il y a Marine du 41 qui dit: pauvre Marie, j'aimerais pas être à ta place. Oh, elle est contente. Mais comprends, Angelo. Entre toi et le Romano à choisir, c'est tout vu. T'as vu? Oui, mais bon, c'est normal aussi. Et le colonel Charlie qui nous dit: c'est bon, j'ai joui, ça y est, là. Ah bah voilà, ah très bien. Super, merci Charlie. Ah bah, bonne branlette, monsieur c'est Charlie. Sympa, ouais. Tout balancé. Ça donne envie. Bon, et sinon, tu te branles que sur la Marie ou tu te branles sur d'autres trucs, toi, Angelo? Non, je vais sur d'autres sites. D'accord, ok. Mais Marie est quand même, la number one. Ouais, le haut niveau, le high level, comme on dit. Et tu regardes quoi comme vidéo? Tes photos, Marie. Les vidéos de l'émission, quand t'es dessus. Non, mais c'est quoi les vidéos qui te plaisent? Je te dis quand t'es dessus, Marie. Mais non, quand tu regardes des vidéos. Ah, moi, c'est plus section amateur. Toi, t'es en train de te branler, là. Ah ouais, absolument. Non, mais c'est bizarre, tu me réponds pas, ouais. Ça me rassure pas du tout. Bon, bah écoutez, hein, Angelo, Marie, te salue. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, hop. Et nous aussi, hein, merci du coup de fil, Angelo. Hein. Et je vote Romano. Ah, merci, mon pote. Attends, ça n'a pas commencé. Angelo, Romano, déjà, c'est déjà un vote. Une voix, t'as déjà un vote. T'as vu? Les pucelles, je les sens pas sereines. Mais t'inquiète pas, gros. Les pucelles. C'est même pas ce qu'on va te faire. Allez, je vois vos messages. Vous dites: oh, Marie, on te plaint, tout ça. Mais ouais, vous aimez, mais merci, les filles. Vous aimeriez tellement être à sa place. Ouais, ouais, Angelo. Y'a de moi, t'as un t-shirt ou pas? Oui, on t'envoie le t-shirt. Quand tu prends les dents, Skyrock, tu t'essuies pas dedans, attention, hein. Ouais, t'inquiète pas, ça va se... Ouais, t'inquiète, ça se lave, oui. Oui, en plus. Bah, salut à toi, Angelo, raccroche pas. Et pour, te rassurer, t'es pas tout seul à penser à la Marie. Dites-nous d'ailleurs, hein, donc, comme je vous disais, si vous pensez à la Marie quand vous écoutez l'émission, quand vous vous branlez. Bon, quand vous écoutez l'émission, c'est normal, mais quand vous vous branlez, dites-nous. Ouais. Au 41759, sur le skyrock.fm et sur l'appli Skyrock. Téléchargez l'appli, c'est gratuit. Profitez. Ouais. Et attention, attention, c'est l'heure d'enclencher le clash de ce soir. Pas mal. Bah attends, demande-leur quand même si elles sont prêtes, les deux là. Vous êtes prêtes, les pucelles? Bien sûr que oui, on est prêtes. C'est vrai? Ouais, on est chaud. Pourquoi tu rigoles, Karim? Parce qu'on est en train de regarder des listes de duos connus. Des duos connus, bah je sais. Il y a des trucs que j'avais oublié. Les Bogdanov, pour moi, c'est les meilleurs. Ouais. Non, mais les... salut, je suis Igor, salut, je suis Grishka, ils sont connus, tout le monde les connaît en France. Je vous dis, vous allez faire un carton. C'est bien, Romano, ce que je leur conseille. Ouais, c'est bien. Les Bogdanov, je Ouais, non, mais on prend pas ça, les gars. Je trouve ça. Romano, il est jaloux. Franchement, c'est des beaux gosses en plus. Il est tout seul, il peut pas faire les. Non, mais elle est où la blague? C'est pas drôle, tu vois. L'autre, il va dire qui, quoi? Il va rien comprendre. Salut, c'est Igor, salut, c'est Grishka. J'ai une bite d'extraterrestre. Tu veux pas tester ma bite d'extraterrestre? Ouais, alors vas-y, non, bah attends. On vise mieux avec Karim, t'inquiète. Alors, c'est quoi? Parce que là, il va pas. Tu découvriras quand on appelle. Ah non, faut dire. Ah bah ouais. Alors. Non, mais dis-lui, parce que moi-même, je suis pas au courant, c'est quoi la méthode? Ah ouais, t'as pas compris. Non, mais on vous dit quand on appelle. Non, on dit pas avant. On dit surprise quand on appelle. Bon, dis-moi, c'est quoi quand même? C'est en rapport avec le foot. Voilà. En rapport avec le foot. Voilà, en rapport avec le foot. C'est quoi, vous faites la troisième mi-temps? Non, tu verras. Les gars, c'est original. Non, mais c'est pas ça. C'est pire que Cédric. Je vous le dis. Même Cédric est meilleur. Ah, mais gros, mais vous verrez. Mais surprise quand, au premier appel, vous découvrirez la méthode. Et toi, Romano, ta méthode? C'est quoi, Starky Hutch? Non, bah, cherchez, non. Rock, c'est Rookie. C'est Rookie, le truc, l'ancienne. C'est Belle et la Bête. Clitorine et Vagina nous propose Ryan du 94 Créteil. Salut à toi, Ryan. Non. Bon, proposez-leur du. Qui fait Hercule? Zarco et Zeko de Secret Story. Les jumeaux, ouais. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est

Il y aura Michel aussi, hein, celui qui t'a envoyé le mail. Michel qui te suit depuis hier sur les réseaux. Bien sûr, qui veut. Qu'est-ce qu'il disait lui ? J'ai envie que tu parfumes ma bouche de l'odeur de ta fente. Magnifique, il est très romantique. Donc il y aura lui, et puis il y a un éléphant dans le studio qui c'est moi. Ah, c'est Samy, il est en panique. Non, même pas, je suis malade. Ça. Il va pleurer là. Ah, c'est ça, il a pris le bouffon. T'as le droit d'abandonner avant. Hein. Mais contaminé. Jamais, gros, notre méthode, elle est rodée, tu vas voir. Bon, on va voir ça. Bon, on voit ça tout de suite. Alors, vous êtes prêts pour le clash ? Ah, vas-y. Ouais. Allez, on n'attend pas parce qu'on a un paquet de trucs à faire. Et puis si vous avez besoin de nous, si vous voulez parler en direct sur Skyrock, si vous voulez pousser un coup de gueule, faire les cons avec nous, nous poser une question, si vous avez un truc qui va pas, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 et puis vous nous laissez vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock. On salue Lux Hypnotiseur, bonjour Lux Hypnotiseur, qui vous propose de faire Minus et Cortex pour votre duo. Ah ouais, le dessin animé, ouais. Ouais. Fibra 69 nous dit Scooby-Doo et Samy, en plus Karim il ressemble au Clébar. Enfoiré, va. Tu ressembles à perso, j'aurais fait ça, vous avez pris quoi alors? Non, tu verras. Au moment de l'appel, on va pas te gâcher le truc. On fera ça. Faites-moi plaisir, faites les Bogdanov. Non. T'inquiète, on va te faire plaisir, man. Salut, je suis Igor, salut, c'est Grishka avec ma bite. L'arbitre, ça va d'aider les pucelles? Non, mais t'as vu les méthodes de merde qu'ils nous donnent en plus, ils nous aident pas, attends. Non, les Bogdanov, après, ça peut être marrant, hein. Ce n'est pas comment c'est fait. T'inquiète, on en a une bonne. Non, mais Bogdanov, je peux pas faire Bogdanov, je suis tout seul. Vas-y, tu cherches ton frère. Faites Lucas et Martinho. Je vais taper les murs pour avoir leur. Lucas et Martinhos, c'est pas mal. Viens mon frère. Viens mon frère. Non, tu veux pas. Non, mon frère. La Belle et le Clochard. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Goku et Vegeta pour Luxus. Vous verrez. C'est quoi, on ça peut le faire. Bon, allez, vas-y. Bon. Allez, c'est parti pour le clash, on y va. À ce moment-là, je ne donne pas ma méthode non plus. Ah bah on découvre en direct. Non, moi, je donne le top pour les appels. Premier appel c'est pour. C'est qui commence, c'est nous. Bah, vous, à vous. C'est nous, apparemment. Premier appel pour Karim. Ouais, mais alors, et Samy contre Romano ce soir. Ce qui me dérange juste, c'est que Samy est candidat et fait également les appels. Bah, il faut les choisir à la ligne, tu vois, à chaque fois. Je choisirai. Merci, monsieur l'arbitre. Bien vu, Romano. Ton regard de lynx est un paranoïa si connu. Ouais, quoi, paranoïa. Allô, Philippe ? Philippe ? Allô ? Oui, madame la femme de Philippe ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Olive. Bonsoir, c'est Tom. On est toujours en forme. Et en fait, on sort du. Ça, les gars. On sort de. Allô. On sort du foot là. Elle est sortie du téléphone. Les gars, c'est bien, vous êtes bien passé pour des couillons. C'était bien, non. C'était bien. Non, ah ouais, c'était non mais le duo est bien rodé. Ah, il est rodé, gros. T'inquiète. Vous êtes mignons. C'est travaillé tout ça. Heureusement que c'est travaillé. Toshi, vous voulez pas aller vous pendre, les gars. C'est pourri, les gars. Bon, Romano. On a répété un truc au moins. On prend la ligne numéro 7. Allez. Eh, un conseil. Arrêtez de répéter. Allez-y, comme ça, sans filet, quoi. Olive et Tom, donc c'était ça le duo. Eh ouais. Les footballeurs. Bon, on appelle qui pour Romano? On appelle Daniel. Un deuxième tour. C'est qui? Daniel. Et un deuxième tour suivra juste derrière. Mais Romano, à toi pour ton premier tour. Yannick du 21, j'ai surkiffé Olive et Tom. Faites le duo Big Flo et Olive. Vous êtes sur la messagerie du. Il y a personne chez lui, il y en a un autre. Vas-y, c'est toujours un Daniel. C'est toujours un Daniel, comme ça tu ne changes pas de prénom, tu ne peux pas te tromper, Romano. Mais c'est bien, je m'en souvenais pas déjà. Eh ben c'est Daniel. Daniel. C'est Daniel. Excusez-moi, mais qui appelle-t-on? Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Daniel. Oui. Oui, comment vas-tu? Très bien. Très bien, très bien. Ta petite femme aussi? Non. Elle va pas bien? Non. Ah, c'est dommage. Bon, qu'elle s'appelle délire, là. Bon, Daniel, d'Ivoire, j'ai un petit souci, là. Ouais. Est-ce que je pourrais passer à la maison? Je t'explique. J'ai arrêté de fumer. Et là, j'ai envie de fumer un truc de dingue. Et pour compenser, il faudrait que je fasse l'amour. Donc, donc je pense que je vais venir t'enfiler vite fait, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, alors. Allez, là. À tout de suite. Allez, eh ben voilà. Putain, mais Romano. Romano, mais allez, qu'est-ce que tu dis, allez, que tu as fait, là? T'as dit un vieux, ouais. Allez, va. Allez, les gars, va faire caca. Eh, vous avez fait quoi, vous? À part de la merde. Excusez-moi. Excusez-moi. On fait Olive et Tom, nous, ma gueule. Olive et Tom. Ils ont chanté. Ouais, non, mais d'accord, mais. Eh, c'est pas The Voice, ça, le clash. Ah ouais, merde. Vous êtes trompés d'émission, les gars. Bon, on passe au deuxième tour. Quelle ligne? Avec les deux couillons. Avec le retour d'Olive et Tom. Ouais, mais Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, ils sont super en forme. Je vais les déglinguer. Quelle ligne? Ligne numéro 8. Vous voulez la musique ou pas? Vas-y, ouais. Pour cacher la misère. Ah non, mais. Putain, il s'appelle comment? Ah, c'est le vôtre en plus. Hein. Ligne numéro 8. C'est bon, la musique est prête. C'est bien. Ah, c'est pour cacher la misère. Ouais, c'est bien ça. Bah, il fait un peu de peine. Mais toi, on n'avait pas la musique. Il fallait demander aussi, hein. S'il répond pas, tu prends la ligne numéro 7 derrière. Ok. Il répond pas. Eh oui, Marie. Allô? Allô? Et si? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Il s'appelle, putain. Il s'appelle Patrick. Comment ça va, Patrick? C'est qui à l'appareil? C'est Olive. C'est Tom. C'est Olive. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom. Bonsoir, en fait, on sort de l'entraînement de foot juste à côté, monsieur. On voulait savoir si éventuellement on pouvait passer prendre une douche, comme on est tout transpirant, on est toujours en forme. Ah, il pue. Ah, méthode de Cédric, ça. Ah bon? Oh putain, merde. Allô? Allô, Patrick? Ouais. Oui. Oui, on peut venir prendre une douche chez vous, monsieur? Vite fait. Avec ta femme? Vas-y, oh, si, j'y vais maintenant. Voilà, tu vas dans allô, le Patrick? Ou avec toi-même? Oh là là là. Vous voulez la musique pour. Vas-y, mets la musique. Allez. Oh, la musique. Olivier et Tom, on va chanter sur toujours en forme. Tom, Olivier. Je vais bien les déglaner. Ah merde, ça t'a. Allô, Patrick? Oh, pardon, oh, Patrick, qu'est-ce que toi. Je vais les piquer. Bon, Patrick, on transpire là. On va passer à la maison prendre une douche. Tom, Olivier. Je vais bien les baiser. Il parle pas. Je crois que je vais bien l'épiner. Patrick, il dormait aussi, le mec. Eh bah, écoute, c'est le hasard, mon pote. Bon, désolé pour Patrick. Patrick, ah, merde. Les poussins, Patrick. Les poussins sont en difficulté. Attends, on peut prendre un rappel? Non, mais elle est pétée, gros. Bah ouais. Ils sont pas les couilles. Hey, un troisième tour ou pas? Si vous voulez. Vous avez, ah ouais, des, vous avez assez de numéros pour un troisième tour? Bon, voilà. On fera peut-être un troisième tour. Romano, ah oui. C'est à toi. C'est un trépané, lui. Ton deuxième tour. T'es pas content de Daniel? C'était Patrick. Ah, t'es pas content de Patrick? Il était bizarre. Et débarre ouais. Le clash, je suis plié en deux pour rien, rien. Juste sous chachou, ils sont pétés, Olive et Tom. Il y a même Julien, mon adversaire de lundi au clash, qui avait fait le clash en direct avec nous. Même Julien. Allô. Allô. Ah, c'est qui? Dominique. Dominique. Oui. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est l'amant de ta femme. Je vais t'appeler ce soir pour me présenter quand même, c'est la moindre des choses. Est-ce que je pourrais passer à la maison ce soir? Non. Non, bah pourquoi? Sois pas jaloux. Je vais passer vite fait à la baraque. J'ai arrêté de fumer, là, il faut que je baise, je n'en peux plus. Donc ta femme va y passer ce soir. Ah hein. Bah tant pis. Ah bah tant pis pour elle, oui, ça elle va prendre cher. J'arrive dans 5 minutes, mon petit chéri. Et si t'es jaloux, je t'encule aussi. Tiens, ah, ouais. Ouais, en même temps, il a pas dit non. Hein. Ah, ouais, ouais, bah, il a pas dit oui non plus. Il a pas dit oui. Mais bah, même si, c'est non. Toujours moins pathétique que vous, les gars. Ah, mais nous aussi, il a pas dit non. Il a rien dit. Oui, il a rien dit. Non, je prends pas de rappel. Non, c'est bon, pas de rappel, troisième tour. Allez, hop, quel allez. Dernier coup de fil pour Olive et Tom. Allez, et vas-y. Autrement dit, Karim, c'est qui Olive? C'est Samy. Ah. C'est moi. Et Tom, c'est toi. Ouais. Ok. Alors que Olive et Tom, c'est-à-dire Samy et Karim, ligne numéro 7. Allez, ligne numéro 7 pour. Ah ben ça marche pas. Eh ben ligne numéro 8 alors. Allez, c'est ligne numéro 8 pour Cyril. Olive et Tom alias Samy et Karim. Je vous prépare la musique les nazes. Non, attends, calme-toi. Non mais tu me demandes. Je te fais un signe quand okay. Tu balances. Allô Cyril. Ouais. Salut, c'est Olive. Salut, c'est Tom. Oui. On est toujours en forme. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom. Ouais. Tu vas bien? On sort de l'entraînement de foot en fait. Voilà. Juste à côté avec l'équipe de foot du village. Ouais, et là on est tout transpiré, on est tout suant. On est bien huilé là, on voulait savoir si on pouvait venir chez toi prendre une petite douche éventuellement, en speed hein, t'inquiète pas. Vite fait. On est deux, il y a le reste de l'équipe derrière. Ouais. Allô? Cyril? Et là. Tu peux parler monsieur s'il te plaît? Vous voulez la musique les gars ou pas? Vas-y, musique. C'est ta musique. Non, parce que. Ils sont toujours en ouais, Cyril? Ouais, Cyril. Allô? Oui. Oui. Oui, bonsoir madame, on voulait savoir si on pouvait venir prendre une douche rapidement chez toi. Avec toi ou avec Cyril? Ouais, tu nous frottes le dos si possible. Et après on te frotte l'anus. Ça c'est bien. Vite fait, on sort du foot là, on est tout transpirant, pas bien, ça dirait qu'on passe. On peut passer vite fait? Attends. Pas long, il s'est dégonflé. Bon. Vous avez vu, même sans la musique, hein, ça. Ouais. Allô? Ah, la femme à Cyril! Putain, c'est dur, les gars. Et ouais, c'est vas-y, pas facile, le clash. Vas-y, remets tout la musique, là. Vas-y, ah, tu l'as ouais, vu. Mais bon, vas-y, allez, assure. Oli et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Il y a Nana29 qui nous dit s'ils mettent autant de temps à marquer un but que dans le dessin animé, que pour serrer, c'est la merde. Oui, c'est vrai. On est dans la merde. C'est les Cavani du clash. Tiens, dédicace à Marie. C'est un cousin. C'est connard, ah, la femme à Cyril! On va passer au troisième tour. Ouais, bon, allez, attends. Je t'ai fait des dédicaces. Ouais, c'est ça, ouais. Vous suivez le clash sur Facebook Live, Skyrock ouais. FM, si vous voulez voir. Et Romano, bah, troisième tour pour toi. Bah ouais. Et bah ouais, déjà. Entendu, on va pas faire de commentaires. Hein, non. On va pas tirer sur les pucelles. No comment. Allez, le troisième tour, on y va. Pour la première fois de ma vie, je vais devoir voter pour Romano, nous dit Greg. Non, mais y a pas de problème, la team Lebel ce soir. À la fin, il a mis non, je déconne. Ah oui, c'est vrai. Alors, venez dans la team Romano. Ligne numéro 8 pour Romano, c'est qui? C'est Eric qu'on appelle. C'est parti chez Eric. J'aimerais bien qu'on ait Eric Zemmour à l'antenne. Ouais, non, mais ça va. Ouais. Il est tellement sympathique. Ouais, j'aimerais bien. Ah ouais, ouais. Allô? Oui, bonsoir, c'est Eric. Oui. Oui, tu te souviens encore de ton prénom, ça va? T'as picolé ou quoi? Hein? Ah, t'as picolé, mon salaud. Il est pété. Eh, t'es avec ta femme, là? Ouais. Bon, je vais passer à la maison, là. Ouais. Ouais, je vais passer à la maison. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de fumer, et puis ce soir, j'ai grave envie de baiser, là. Ouais. Ouais, donc je vais baiser ta femme. Attention, t'en souviendras plus de ma vue, comment t'es bourré. Ouais, ok. Ah, bah, c'est nickel. J'arrive, et puis, pour te réveiller un peu, je t'enculerai. Ok. Ouais, on peut venir prendre une douche chez toi. Non, Olivier Tom, ils vont aller. Demain. Olivier Tom, c'est demain. Moi, c'est ce soir. Allez, mais je viens tout de suite, mon chéri. À tout de suite. Hâte de boire. Il s'est endormi, le con. Oui, il savait. Il s'est endormi. Et ben, voilà pour le clash. C'est bien, on a terminé par un mec complètement bourré pour démarrer le week-end. C'est bien, parce que le mec, c'est pratique, il a dit oui à tout, lui. Oui, tout. Ouais. Bon, je lance le top vote pour, d'un côté, Cédric. Olivier Tom. Oh, Cédric, tu nous manques. Je lance le top pour Olivier Tom, alias Samy et Karim. C'est ouais, c'est ça. D'un côté, et de l'autre côté, Romano, R-O-M-A-N-O, c'est toi. Romano tout seul. Alors, qui c'est que vous avez trouvé le meilleur? Olivier Tom. Qui va gagner le clash? Bon, Olivier Tom, on va les baiser, soit voter Romano. Premier coup de fil, serrage. Dernier coup de fil, serrage. Les autres, rien. Ouais, nada. Mais nous, alors... À pas avoir fait un karaoké, les mecs sont sortis à The Voice. Non, nous, on a pas. Allez, ce soir, les pucelles, elles vont aller se coucher, vont pas nous casser les couilles. Votez Romano. Ouais, mais nous, il y avait de la recherche dans la méthode. Ouais, elle était pas mal quand même. On a chanté, on a bien cherché. Mais arrêtez de rechercher, les gars. Ah, ça a fait vibrer tout le monde, Olivier Tom, c'est mythique, tu vois. Toi, il y avait pas trop d'originalité, je trouve. C'est vrai. Le coup de la douche, franchement, Cédric, il l'a fait il y a une semaine. Ouais, mais pas Olivier. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Par contre, j'ai pas pris de douche depuis une semaine. Ça, on sait bien. Bon, team le Belge, team Romano, ensemble ce soir pour baiser les pucelles, voter Romano. Allez-y, faites péter tout ça. Et dans un instant, les résultats de votre clash de la drague. C'est vous qui votez pendant 5 minutes et 23h12. Eh ben, les votes, c'est parti, ça vote de partout. Olivier Tom, des gros enculés. Et nous, on fait pas de déclaration, nous? Ben, si, vous l'avez fait. On a fait preuve d'originalité. Ta Karine devient vraiment comme Cédric. Excusez-moi. Non, mais il l'a dépassé dans la connerie humaine. C'est ouf. Bien joué, Karim. Félicitations. Donc, vous votez pour le clash de ce soir et les résultats arrivent. Tout à l'heure, on aura Pamela en direct avec nous. Oui. Pamela en direct pour serrer ton défi, Pamela. Il te reste 3 quarts d'heure. Tu vas me dire, on n'a pas encore passé un coup de fil, donc c'est normal. Il te reste 3 quarts d'heure. Oui. Pour arriver à trouver un mâle pour ce week-end. Il y a des propositions, hein, sur les messages, sur le 41759, sur l'appli. C'est très gentil. Ça se propose de partout, hein. Tu es très, très demandé, Pamela. T'as de la chance. Ah. Et ouais. Vous pouvez venir à plusieurs. J'ai plusieurs trous. Les auditeurs ont du goût en plus. Vous avez du goût parce que Pamela, c'est vraiment une des plus belles femmes du monde. Votez Romano. Elle a refusé d'être Miss Univers. Oui, j'ai refusé. Je ne m'abaisse pas à ce chose. Non, parce que t'avais une bite en fait. À ce genre de choses. Ouais, voilà. Il y a eu un petit problème. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a refusé d'être Miss Univers. Alors, ça vote pour Olivier Tom pour la jumelle. Carmelo, ouais, Olivier ça, Tom. Team Romano de Versailles vote Romano. Olivier Tom pour Flamme. Ça va être serré cette histoire. Ouais, les pucelles pour Balsamic. Team Romano pour Ruben. Bien marché, là, Olivier Tom pour LR. Je vote pour Romano pour Armor 22. Olivier Tom pour Kekesh, ça va être serré, je vous le dis pour les fans d'Olivier Tom. Votez Romano, comme ça on va desserrer le cul des autres enculés. Si vous votez Olivier Tom, on remet la chanson. Non. Eh ouais, et on chantera dessus. Trop bien, ouais, non, c'est bon, on a eu la dose. Alors, Pamela m'excite. Ah, mais ça vote même pour Pamela, c'est quand même un truc de fou. Hein. Et voilà, sans faire le clash. Bon, qui va gagner? Ça va être serré, je vous le dis. C'est dans un instant pour les résultats. Tiens, une petite question que je voulais vous poser, parce qu'on en parlait ce matin dans le morning. On parlait des galères à cause des jeux vidéo. Tout à l'heure, on vous a raconté les petites histoires. Petite histoire de l'Américain qui aimait tellement sa console qu'il s'est mis la manette dans le cul. Ouais. Le problème, c'est qu'il a pas pu la sortir. Le mec a filé à l'hôpital. Et puis la manette, faut la rentrer déjà. Ah ouais, c'est balèze, hein, quand parce même. Parce qu'il a pas pu la sortir, mais il fallait déjà qu'il la rentre, le gars. Il a l'anus souple. Bravo à lui. Exactement. Il y avait l'autre, là, la française, qui n'en pouvait plus que son mari. C'était marié. Et son mec passait sa vie sur la PlayStation. Et donc, elle en pouvait plus de son mari. ce qu'elle a fait, bon, elle lui a écrasé la PlayStation sur la gueule, le mec traumatisme crânien. Bam. Voilà, bim. Évanoui, direction l'hôpital. Il va plus jouer pendant un petit moment, lui. Et puis il y avait les Chinois aussi. Enfin, le Chinois qui avait passé 6 jours. Un petit jour. 6 jours avec. Alors, il s'était mis une couche, hein, il a quand même pensé à des trucs. Un petit, t'as fait mis une couche. Petite couche. Le problème, c'est que pendant 6 jours, il reste 2 minutes pour voter pour le clash. Romano. Pendant 6 jours. Le mec a chié dans sa couche, mais ne l'a pas changé. Au bout d'un moment, infection au cucu. Le mec s'est retrouvé avec des boutons purulents, des furoncles sur le cul, des problèmes au trou. C'est normal, tu restes pendant 6 jours le cul dans ta merde. Bah ouais, mais il jouait, il jouait, Romano. Ouais, non mais bon, c'est ignoble, c'est, la sensation, elle doit être horrible. Il voulait pas se laisser déconcentrer. Chaque fois que tu bouges, t'as de la merde collée à ton cul, mais c'est ignoble. Ouais. Il y a du caca au cucu. Ah ouais. Il y a du caca collé au cucu. Le caca, c'est bon. Oui, c'est vrai que le caca, c'est bon. Ah ouais, moi, je fais pareil. Ah, tu vas être malade, attention. C'est pour ça que t'as des boutons au cul. Bah ouais, fais gaffe, Cédric. Et donc, il avait aussi les pieds pourris. Hein, donc, il s'est retrouvé à l'hosto parce que les pieds pourrissaient. Tout, rien n'allait plus. Et donc, je voulais vous demander si vous aviez déjà eu des galères avec votre PlayStation ou avec votre console préférée. Les petites galères que vous avez eues, je sais pas. Ce matin, on a eu des témoignages. Il y en a ceux qui avaient balancé. On a eu, je sais pas combien de manettes, mais des centaines de manettes balancées dans la télé. Ah, ouais. Bah ouais. Putain, tu niques ta télé et ta manette, quoi. Oui, et puis c'est pas comme ça que tu joues mieux. Après, tu peux même plus jouer d'ailleurs. Non mais c'était clair. Avec la Wii quand elle était sortie, il y avait eu plein d'accidents. Surtout avec la Wii. Parce qu'en fait, au début, tu sais, les manettes, il y avait pas la petite dragonne. Pour se mettre au poignet. Et en fait, il y a eu plein d'accidents. Genre, elle était sortie en Chine en premier. Et les Chinois, genre, ils jouaient au bowling. Et ils balançaient le truc. Et bah, au lieu de garder la manette en main, ils l'achetaient. Et ils ont niqué mais des milliers de télés. Dans le feu de l'action, quoi. Et du coup, après, c'est au bout d'un moment, ils ont mis cette fameuse dragonne. Regarde, panne de courant lors d'une partie, j'ai cassé la télé. Et bah voilà. Mais c'est pas ça qui va la remettre en marche. Il y a pas de courant, tu vas me dire bon. Bon, il y a l'Albanais Forum. Ouais, ça c'est relou. Ça, mon PC a planté en plein jeu et ça m'a niqué le jeu. Ah ouais, ça c'est relou ça. Ouais, ça c'est bien chiant, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites ça sur le 41-759 et on vous offrira votre, PS4 Slim avant minuit. Lui, c'était la PS3. Il l'a balancé par la fenêtre. Pourquoi tu l'as balancé par la fenêtre? Ça l'a mis à binaire. Mais pourquoi tu as acheté ta PS3 par la fenêtre? Et hop, par la fenêtre. Tiens, j'étais énervé. Mon PC était allumé. J'ai mis un coup de poing dans mon écran. Résultat, j'ai dû en acheter un autre. T'aurais aussi pu racheter un autre point. Enfin, heureusement que t'as rien eu sur ton point parce que. Bah moi j'ai un pote. Bon c'est pas avec une console mais c'est en voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est mon pote Gros Porc. Bonjour Gros Porc. Il nous écoute. Il est en Ukraine. Bah on peut écouter Skyrock en Ukraine avec ton appli Skyrock. Ouais c'est vrai. Peut-être qu'il écoute. Bisous Gros Porc. Bisous Gros Porc. Tu vois même quand t'es en Ukraine on pense à toi. Non mais double doc. C'est demain soir et passe la soirée à la maison. Donc demain soir c'est vodka ukrainienne. Vodka ukrainienne. il va revenir lundi matin dans un. Ouais c'est ça. Et lui un jour il était dans les bouchons. Je sais plus, il était grave énervé et en fait il a une bague et il a donné un coup de poing au pare-brise et il a pété son pare-brise. Oh, c'est con, putain. Carnasse. Ouais, il était bien fendu et j'ai fait, mais comment t'as fait ça une fois? J'ai donné un coup de poing. J'étais énervé. Abdel Tuffer, c'est fini pour les votes du clash, terminé. Abdel Tuffer qui dit j'ai au moins éclaté 30 manettes de PS3, mauvais joueur à Call of. Abdel Tuffer, merci pour ton message. Comment on fait pour choper la PS4? Je vais vous poser une question. C'est la Honda qui voulait savoir, je vais te dire. Moi, la manette, je l'ai lancée sur la gueule à mon ex. Elle me cassait les couilles, cette pute. Nous dit Ryan de Créteil. Tu parles de la console ou de ta copine? Oh putain, c'est horrible de toute façon. Je suis persuadé qu'il parle de la console. Ouais, bien sûr, t'as raison. Sûr. Ouais. Et Noan, moi, c'est ma copine qui me l'a pété. Ah ouais, elle supportait plus que tu joues, ça l'a énervé. Ah putain, connasse. Comment tu réagirais, Romano? Ah, moi, j'ai dit, mais t'es une connasse. Et si je joue avec toi et qu'on fait une partie de bowling où je t'ai battu encore la dernière fois? Non, tu m'as battu une fois sur 20 parties. Quand je joue au bowling avec la Wii et que, bon, voilà, malheureusement, j'échappe la manette et elle va dans ta nouvelle télé, Thompson. Oh ah bah, tu m'en repays une. Hein. Comment tu réagis? Ah bah, tu payes. Non, mais il fait une crise de nerfs, je pense. Non, mais non, mais il n'y a pas. C'est direct, on va dans le magasin. C'est embrouille, quoi. Alors, admettons, je vais prendre un autre exemple. Ton petit neveu, la Kaira, là. Ouais. Qui a 12 ans. Ouais. Ouais. Bon, la Kaira, elle joue avec toi et elle s'énerve parce que. Et il perd ou il a loupé un truc et il jette la même chose que moi. Il jette la manette dans ta nouvelle télé, Thompson. Comment tu réagis? Je pense que c'est un réflexe, je mets une baffe. Et il pourra pas donner de sous parce qu'il a pas des sous. Non, mais je m'en bats les couilles. Je pense que, déjà, le premier réflexe, c'est pas bien, mais je pense que ma main, elle part dans sa gueule. Allez, ça, c'est clair. Ah, mais c'est le délire de la console, ça. Ouais, non, mais c'est le délire de la console. La Sénère, il les contrôle, hein. S'il est malade, sa mère, elle l'emmène chez moi. Si, franchement, je vais pas dans mes. Ah ouais, je pense que ma main, elle part dans. Je sais pas, c'est un mauvais réflexe. Hein. Bam, ça part tout seul. Ah ouais, tu sais, c'est un réflexe, bim. Oui, bim, bam, boum, dans ta gueule, quoi, voilà. Bon, pas lui décoller la tête non plus, mais un peu quand même. Non, mais non, le but c'est pas. même pas un petit peu décoller la tête. Le but c'est pas que je pète les cervicales non plus, hein, mais. Bah écoute. Non, mais d'après, je demande je pense que sa mère, elle me propose, elle me dit ouais, je vous la repaye. Ouais, je fais avec plaisir. M2. Je fais, elle le fera. Elle vaut 2000 euros. Oui. Attends la pro. Comme ça, je me fais une bonne marche sur la télé. Il y a Frankie Snow, 18 ans, qui dit mon frère et moi, on s'est battu. Il m'a balancé la manette dans la gueule. Les parents devaient être super contents, ça. Salut Frankie Snow. Il existe des protections pour les manettes. C'est Nikos du 91 qui nous dit ça. Nikos, 12 ans. J'avais même pas quelle manette. J'avais même pas pour les manettes de PlayStation. Ah ouais. Mais je suis pas sûr que même sur la télé, sur les écrans de télé, c'est fragile. Hein, ah ouais, clair. Les LED et tout ça, ça se pète facilement. Hein. Mais LED comment? Comme Cédric. Mais c'est Momo qui avait pété une console comme ça en sautant dessus. Donc il avait pété des consoles. Moi. Ouais, des consoles. En fait, il sautait dessus quoi. Dès qu'il était énervé. Momo jetait les manettes. Et il sautait sur les consoles. Vous imaginez la console. Ah bah ouais, c'est clair. Après, ouais. C'est une crêpe la console. Bah après, il était dégoûté. Ouais, une crêpe. Donc faut se calmer. Ouais, si tu ne veux, ils font ça, tu perds le reste de tes cheveux, Romano, on nous dit. Très bon message. En effet, c'est une très bonne question. Non. Que je vais donc poser à toi, Romano, au niveau de tes cheveux. Donc. Non, je pense que je perds plus le contrôle de moi-même. Ouais, tu perds pas comme le Didi Fool, le beau gosse. Très beau pseudo d'ailleurs. Tu ne perds pas le reste de tes cheveux. Donc. Non. Je te dis, c'est ma main qui finit dans son visage, malencontreusement. Bim, bam, bim. Non, mais je vais pas dire tourner, je vais pas lui mettre à chasser à mon neveu, mais. Bon. Oui, bah quand même pas, non. Juste une baffe. Bon, racontez-nous, on en reparle, on va mater vos messages. Moi, j'ai mis une droite à un pote. Il y en a plein qui se sont battus à cause de la console. Une droite à un pote, car il a cassé un verre chez moi. Ah non, rien à voir avec la console. Ah, tu vois, il est comme toi. C'est Rianox, Romano. Non, moi, franchement, ça me met à bout de nerfs intérieurement. Quand on casse des trucs. Ah, si c'est un bon pote, bon, tu sais, je vais rien dire, mais, intérieurement, je subis, quoi. Fais-nous pas chier pour des verres, combien t'en as cassé dans ta baignoire, déjà? 6. 6 verres. L'autre, il a cassé 6 verres dans sa baignoire. Ouais, mais c'était des verres gratuits. Ouais, que j'avais gratté dans les conseils pas chers. Le mec était énervé, il est parti. C'était dur Alex qui me le mec, il est parti dans sa cuisine, prendre le carton de verre et aller dans la baignoire pour casser les trucs. Ouais, parce que dans ma crise de nerfs, je me suis dit, si je les pète dans le salon de la cuisine, non, mais t'imagines. Il va y en avoir partout, ça va être galère à ramasser. Alors que dans la baignoire, c'est un truc fermé. Tiens, embrouille PS4. Clément, moi, mon frère, il a acheté un crayon sur la télé en me visant. On a dû changer la télé. Fragile, hein, ça. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est fragile. Ah, moi, elle m'est tombée sur la tête une fois, je faisais le ménage. Qui, la console? Non, la télé. Ah, quand même, bravo, Marie. C'était quoi? C'était une plate? Ouais, c'était une plate. Il y avait la forme de ma tête dessus. Oh. Ouais, c'était sympa. Ah ouais, dégoûté. Ça avait niqué je suis dégoûtée. J'ai hurlé, mon fils dormait, il m'a dit, je croyais que tu t'étais pété un truc. J'ai insulté le fils. Oh maman, je croyais que t'étais encore en train de te faire péter le cul. Non, c'était le matin, tranquille. Bon, et on va vous offrir donc dans un instant le temps de prendre Laurie. Je vous pose la question pour gagner. La PS4 Slim, la nouvelle qui est sortie ce matin et qu'on vous a offert dans le morning. Et dans la radio libre, Lucie en direct avec nous, Lucie de Bordeaux. Salut Lucie. Ouais Lucie. Non, c'est Laurie. Alors Laurie. Oui, tu sais plus lire. Laurie en direct de Bordeaux. Salut Laurie. On coupera au montage, bien sûr. Laurie en direct donc ce soir. T'as 18 ans toi Laurie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh ben écoute, sois la bienvenue sur Skyrock. Merci. Enfin, tu nous appelles pourquoi? Parce que je sais pas du tout pourquoi tu nous appelles, dis-moi. Alors j'appelle parce que je suis victime d'usurpation d'identité, de divulgation de mon numéro de téléphone à mon insu et de menaces de mort et d'harcèlement. C'est une dingue. C'est pas un ex qui a fait ça? Non. Ou alors une meuf? Non, c'est une dame à qui j'ai vendu des vêtements qui est complètement tarée. Ah ouais, t'es tombé sur une frappadingue. Une frappadingue. Ah mais c'est pire qu'une frappadingue là. Mais ça c'est galère en plus. Hein. Mais raconte un peu alors, comment c'est passé? T'as vendu un truc sur le net, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben il y avait des groupes sur Facebook en fait où on peut vendre des vêtements. Je l'ai vendu à elle. On s'est rejoint en gros. Tu lui as vendu quoi? Un lot de vêtements, non, plein de vêtements, au moins une quinzaine de jeans avec plein de trucs, juste pour que 30 euros en fait. Donc la meuf, elle t'a contacté, elle t'a pris tes vêtements, elle te les a payés. Ouais, voilà, on s'est donné rendez-vous, elle a surveillé 4 fois que tout allait bien, elle les a adorés, elle m'a payé. Quand tu l'as vue, elle était normale? Normal, ou... ouais. Ouais, elle avait une gueule de cinglée, déjà. Elle avait une gueule de conne, mais bon, quand même. mais tu te doutais pas que la meuf était complètement, comme disait Romano tout à l'heure, frappadingue. Ouais, cinglée. Ravagée. Non, parce que, je sais pas, elles ont des têtes de con, et pourtant, c'est pas pour autant qu'elles sont cinglées. Donc, c'est vrai, ouais. Après, elle est partie, tu t'es dit, bon, voilà, je la reverrai plus. Et... Ouais, voilà, il était 9h30, donc je pars, normal, j'avais une heure de route, donc je pars en bus. Ouais. Et vers 11h, je reçois un appel, je réponds, elle me fait grosse demi-salope, je vais t'enculer. Grosse demi-salope. Mais pourquoi demi-salope? Mais je sais pas, je lui ai demandé justement, je lui ai dit pourquoi je suis pas une salope entière, ça se passe comment? Et elle a commencé à me menacer de mort, me dire que j'étais une grosse pute, qu'elle allait m'enculer, enfin plein de trucs comme ça. D'accord. T'enculer. Ah ouais, donc l'autre elle est con. En tout cas, elle est très sociable. Oh la tarée. Voilà, c'est ça. Et je lui ai demandé pourquoi, elle me fait ouais, t'as arnaqué plein de gens, grosse pute, je sais pas quoi, alors pas du tout. Et je commence à rentrer chez moi, tout ça. Et bon, le temps que moi je rentre chez moi, elle a eu le temps de marquer plein de conneries sur moi sur Facebook. Du coup, moi je rentre, je l'ai signalé, j'ai marqué, enfin j'ai montré tous les appels que j'ai reçus, tout ça sur Facebook. Ouais. Et les gens, bien sûr, ont vu que j'avais raison, quoi. Ouais. Et ça s'est pas arrêté là, a priori. Non. Non, ça s'est pas arrêté là. Je pensais qu'elle allait s'arrêter là. Et d'un seul coup, je reçois des appels inconnus. Mais plein. Au bout, ouais, j'en ai reçu au moins, j'avais compté, j'en avais reçu 48 en 2 heures. Ouais, mais tu t'es douté que c'était elle, non? Ah oui. Oui, bah forcément, ouais. C'est clair. Téléphone, donc oui, c'est oui. Sûr, certain. Et c'est des hommes qui m'appellent, qui me fait oui, c'est les mecs de, je sais pas si je peux dire le nom du site. Les mecs de. Ouais, enfin d'un site de cul, quoi. Du site de rencontre, voilà. Ah oui, vas-y, donne. Il me fait salut, c'est via Coco. Ah, le chat de Coco. Il y en a un, il me fait salut, c'est Cochon 33. L'autre, salut, c'est Grosse Bite. Non, c'est Cochon. Ah, elle a mis ton numéro sur Coco, ouais, en ouais. fait. Et le truc, c'est qu'il y en a un hyper sympa, justement, qui m'a envoyé les captures d'écran sur Messenger. Ah, oh, bah, faut porter plainte. Cet abruti, en plus, alors je sais pas si ça l'amuse ou pas. Comme pseudo, elle a marqué Laurie Soumise. Alors, Laurie Soumise. Ah, putain, non. Mais voilà, donc elle a pris tout ça. Sauf que malheureusement pour elle, la police a vu que son adresse IP, ben, ça correspondait à chez elle. Ah, t'as porté plainte à la police. Ah bah ouais, t'as bien fait. Je suis allée lundi. Donc tout s'est passé entre vendredi et tout ce temps-là. Ah ouais, c'est récent. Au début, j'osais pas trop. Je me suis dit, ouais, je vais avoir plein de problèmes. Il y a quelques procédures à faire et tout. Puis après, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, si, vas-y, parce que. Ouais, mais t'as eu raison. Ah bah oui, t'as eu raison. C'est ce qu'il faut faire direct. Du coup, je suis allée porter plainte. Là, je dois aller demain faire un complément de plainte. Donc c'est un bon conseil pour ceux qui se feraient harceler ou qui auraient leur numéro qui serait divulgué sur les sites ou insulté sur les sites, allez porter plainte. Ah Romain, oui, parce que Romain, c'est clair. Peux-tu nous dire combien, toi qui es un expert, combien elle peut gagner avec cette histoire? Ah, je sais pas du tout. Ah ouais, tout, c'est mais quoi Ah mais rien que l'usurpation d'identité, moi le policier m'a dit, ça peut être 30 000 euros d'amende ou de en prison quand même. 30 000 euros. Oui, quoi, après, déjà, c'est le truc maximum c'est et suffit que la meuf, elle est pas un rond et t'auras jamais 30 000 euros. Hein. Tu veux pas que je pirate l'adresse IP de Cédric et que je mette des messages sur toi, Romano, des messages d'insultes. C'est bien ça, c'est bien. On fait ça. Ouais, vas-y. Ouais, ils l'ont retrouvé. Mais de toute façon, quand t'écris des conneries, maintenant, t'es suivi partout, ils te retrouvent tout le temps. Ah, encore heureux. Non, mais surtout, il faut qu'elle se fasse soigner. Bah ouais. Donc tu vas peut-être être amené à la revoir au tribunal, cette dame. C'est ça, le policier m'a dit, c'est sûr, certains, ça va se finir au tribunal, donc je voulais savoir s'il n'y avait pas des auditeurs qui avaient vécu la même chose. Ouais, dites-nous si vous avez déjà eu la première fois que je vais au tribunal, tout ça, donc je. Ouais, Laurie, elle flippe, c'est ce qu'elle m'a dit au standard. Ah ouais, tu flippes du tribunal? Ouais, des. Déjà, t'inquiète pas, ça sera au moins dans 2-3 ans. Et puis, l'avantage. Non, mais c'est très long. Oui, c'est long. Non, parce que j'ai vraiment beaucoup de preuves contre elle, j'ai plein de gens. Ouais, non, mais oui, mais après la justice, t'as beau avoir toutes les preuves. C'est vraiment une tarée, quoi. T'as beau avoir toutes les preuves, après il y a les procédures, ouais, c'est super temps, long. Ouais. Oui, c'est pas rapide. Les tribunaux ils sont encombrés quoi. Enfin, on va m'aider quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai que bon, t'as tout ce qu'il faut. T'as pas à t'inquiéter, t'es dans la position la plus avantageuse. Même dans cette position-là, quand tu prends plainte, c'est chiant le tribunal. Elle s'amuse sur Facebook à continuer à monter la tête à plein de gens. Bah, tant mieux, qu'elle continue. Mais les gens inventent que soi-disant je les ai arnaqués, alors pas du tout. C'est pas grave, qu'elle continue. Plus elle continue, plus elle paiera cher. Ouais, bah oui. Je passe depuis vendredi, quoi. Moi, je dors parce que pas du tout. Enfin, vas-y. Nerf, quoi. Non, mais prends ça cool parce que, au final, c'est pas toi qui es accusé. Ah, bah, t'es complètement victime, T'as tout ce qu'il faut, t'as les preuves, t'as des témoignages, t'as des captures d'écran. Et même si Bidou, il a 15 ans, il dit c'est stressant les histoires de tribunal. Oui, c'est jamais sympa. C'est toujours stressant. Non, mais bon, toi, quelque part, t'es dans la bonne position. T'es la victime. Le pire. Moi, c'est la levrette. Oui. Parce que le pire, quand même, quand tu vas au tribunal, c'est quand c'est toi qui es accusé d'un truc, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, donc ça va. Parce que là, ils sont cool avec toi, tu vois, même les. En général, quand tu vas chez les keufs et que c'est toi qui vas porter plainte. Non, ils sont plutôt sympas. En général, ça se passe pas trop mal. Ouais, ils t'expliquent les trucs et tout. Ouais. Bon, écoute, Laurie, rassure-toi. Mais si vous avez des témoignages pour Laurie, vous nous dites sur le 41-759, l'appli Skyrock. Il faut pas qu'elle stresse, la demoiselle. Je peux l'aider, étudiant en droit. C'est exactement ce qu'il nous faut. Étudiant en droit, merci pour ton message. Laisse ton numéro par contre, t'as pas laissé ton numéro de téléphone. Qu'est-ce que tu disais, Marie? Non, je lisais le message d'Étienne qui disait déjà que bon, elle risquait de finir à l'asile. Bon, c'est normal. La folle. Ah, la folle. Oui. Mais le conseil qu'il te donnait, c'était de supprimer ton compte Facebook et de changer de pseudo. Tu sais, d'en recréer un nouveau, quoi. J'ai déjà testé. Et elle te suit. Elle arrive toujours. Ouais, je sais pas comment elle fait, mais elle arrive toujours. Mais même, elle a mon numéro de téléphone, quoi.

qui pose du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, c'était Binta. Diffoul, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et dans une demi-heure, juste après l'émission, c'est la nocturne du vendredi soir, 100% rap français. Et ce soir, 100% PNL, hein, pratiquement. Plein de PNL à écouter avec Fred. C'est ce soir, il sortait aujourd'hui l'album de PNL, Déchire Tout. C'est ça, ouais. On l'a fait découvrir sur Sky. Et bah, ce soir, à minuit, c'est la spéciale de la nocturne en direct avec Fredo qui arrive tout à l'heure. On va rassurer Laurie avec son histoire de procès avec la dingue là. Qui, Putain, t'es tombé sur un phénomène. Ouais. On va plutôt te rassurer Laurie, on aura même le témoignage de Tom qui arrive, qui doit être dans le coin. T'es là Tom? Ouais, je suis là. Bon, vous bougez pas tous les deux. Deux, trois trucs à faire, faut que je donne les résultats du clash de la drague parce que. Ah bah ouais. Tout à l'heure, ça a clashé. Olive et Tom contre Romano. Eh ouais. Karim et Samy contre Romano. Ouais. C'était le match de ce soir. Tom. Qui a gagné ce soir? Je vais vous le dire tout de suite, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que Pamela, en plus, est très impatiente, elle tape des pieds. Ah bah je tape des pieds et puis il va falloir que j'appelle des pervers, moi. Ouais, ouais, on va le faire tout de suite. Les pervers de Pamela qui arrivent aussi. Mais d'abord, les résultats du clash, tu as voté pour qui? Tu as voté pour Olive et Tom, les nouveaux? Ou t'as voté pour. Ah oui, Pamela. Olive et Tom, autrement appelé les pucelles. C'est ça, ouais. Non, Olive et Tom, tu peux dire. Non, moi j'ai voté Romano, fidèle à la team Romano. Fidèle à la team Romano. Eh bien, est-ce que tu as été assez nombreux pour voter pour Romano? Olive et Tom ont eu leur petit succès. Ouais, t'as vu pas mal, hein, la ouais. Merci d'ailleurs tous ceux qui ont voté pour nous. D'ailleurs, comment je fais? Je divise le score de 76% que vous faites par deux? Ben non, on est une équipe. 76%? Ah oui, j'ai vu écrit 76, oui. Attends, Olive et Tom, ils sont toujours en forme. 76%, on est toujours en forme. De la merde. Contre 24. C'est quoi cette gruge là? 24-76, c'est ça. C'est quoi cette gruge? Il y avait la gruge. Il représentait Cédric ce soir. Et ben, ils font 76%. C'est vrai? Non. Ou 24, ça mais dépend. C'est un mytho, c'est toi, à chaque fois il fait ça, gros. Qu'est-ce qu'il y a, mytho qui? Toi? Pourquoi je suis habillé? 76-24. Ah franchement, si je fais 24, je suis dégoûté. Bah ouais, bah y a eh bien Romano, tu es dégoûté également si tu fais 76. Ah, je suis 76. Ouais, 76% pour Romano. Oui, oui. Karim et Samy, 24. Mais non, c'est pas possible. Ah, les gars. Victoire de Romano. Mettez-vous peut-être à 3 la prochaine fois. Non mais pourtant, moi j'ai bien aimé votre méthode. Ouais, moi aussi. A priori, pas des masques publics. Oui. Et les familles non plus. Les familles t'ont préféré, Romano. Bon, on essaiera une autre la prochaine fois. Ouais, changer. Ah, c'est mieux, ouais. Ah bah merci à toute la team Romano, à la team de Belge qui a sans doute voté pour moi aussi. Merci à vous tous, ça fait plaisir. Qui sera le prochain? C'est un baiser lundi. T'as eu peur? Un peu quand même. Un peu. Ouais, parce que on sait jamais. Ah, oui, avec moi, tout peut arriver. Eh ouais. 76. Non, mais c'est bien, ça va y un peu plus. C'est bien, Karim. La prochaine fois, je voyais un 60-40 plus, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Donc, même toi, tu reconnais, c'était pas mal quand même. Bah, non, c'était pas mal. Bon, ouais, c'était rigolo. Quoi. Ils avaient été mauvais, mais c'était rigolo. C'est le but. Bon, c'est bien. En parlant de but, 6 buts pour le PSG contre Caen, si on le rappelle à ceux qui sont arrivés un petit peu en retard dans l'émission. Ouais. Et puis bon, je vais pas tout vous résumer, mais il s'en est passé les choses ce soir et c'est pas bien fini. Bien enculé, les gars, quand même. On offre la PS4. Bah, allez. Allez, la PS4. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. C'est pour toi, vas-y. C'est Romano qui paye, dit full. Je régale. Je régale aux frais de Skyrock. Mais tu payes pour de vrai? Non, mais je régale aux frais de Skyrock. Aux frais de Skyrock. Bah ouais, normal. Bon, facile, c'est comme si moi je disais, ce week-end, je pars à New York aux frais de Romano. Ah bah, tu peux toujours essayer. Je pense que tu dépasseras pas l'aéroport. Alors, voici la question que je vous pose pour gagner votre PS4 plus FIFA 17, le nouveau, plus NBA 2K17. Si vous voulez choper les jeux en exclu et la PS4 Slim qu'on vous offre depuis ce matin dans le morning, eh bien, vous répondez à la question que je vous pose tout de suite. On va parler de sexe et de console. Quel est le pourcentage des joueurs en couple qui préfèrent jouer à la console plutôt que de faire l'amour à leur chérie? Mais c'est le score, il est surprenant. Surprenant. Ah ouais, vraiment? Quel est le pourcentage des joueurs en couple qui préfèrent jouer à la... aux joueurs et joueuses, hein, parce que un joueur sur deux est une joueuse. Ouais. Donc quel est le pourcentage des joueurs en couple qui préfèrent jouer à la console plutôt que de faire l'amour à leur partenaire? Ah, donc c'est beaucoup apparemment. Bah, quoi, beaucoup? Ça c'est pas 90 beaucoup. Non plus. Non, mais c'est surprenant. Je dirais 216. Ouais, bien sûr. Non, c'est maximum 100. Évidemment. Marie. Maximum 100. Alors, maximum 100. C'est le pourcentage 100. Ouais, c'est ça, ouais. Je propose 90 000. C'est pas... Non, non plus. 100. Non, 90 000 100. Non plus, non. Bien non, sûr. Non. Ça, c'est pas ça. Non, c'est pas bon, ça. Bon, réponse. Et puis le premier ou la première qui trouve. Ouais, faut que je montre les réponses à l'équipe. Regarde, Marie. Ah ouais. Hey. Ah ouais. Alors, ça fait. C'est quoi les deux chiffres enchaînés? Parce que j'arrive à les lire individuellement. Elle a récapté, Marie. Ah ouais, mais j'arrive pas à lire les deux à la suite. Non, mais j'ai vu. On dirait une débile. Non, mais il y avait ton doigt dessus. Ah ouais. J'arrive pas à lire. Il y a deux chiffres. Ouais. Deux chiffres enchaînés. Je sais pas, il montre dessus. Ça, mais je sais pas lire alors. Ah ouais. C'est marrant ça. T'as vu, Samy? Ah non, je vois pas moi. C'est là. Mais t'es complètement. Ah oui, d'accord. Mais, non, mais attends, mais vois la feuille qui te monte. Il y a un milliard de trucs écrits. Ah bah ouais, parce que moi je prépare l'émission. Moi. Ah ouais, il y a des stats quoi. Je sais par exemple que 61% des parents sont déjà embrouillés avec leurs enfants à cause d'un jeu vidéo. Et ouais. À la limite, ça, j'aurais pensé que c'était limite 100%. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était plus, ouais. Et que 12% des joueurs ont déjà pleuré devant un jeu vidéo. Vous saviez ça. Et 86% des joueurs sont déjà énervés devant un jeu vidéo. Et moi, j'ai fait 76% au clash. Et je les ai bien baisés, les deux, là. Bon, allez, on retrouve Pamela tout de suite. On fait les coups de fil de Pamela. Allez, c'est parti. Et on s'occupera de Laurie avec les témoignages pour Laurie avec Tom. Envoyez du pervers. Laurie et Tom. Pas mal, ça reste en tête. Laurie. Non, mais sinon, il y avait Laurie là. Oui, Laurie et Tom. Laurie, la chanteuse de. Ouais. Oh, Marie, avec quelle culture musicale. Laurie, c'est quoi, la blonde là? Oui. Ouais. Ah ouais, je veux plus. Mais toi, Laurie, sur les réseaux. Je m'appelle Pester en vrai. Tu es. Tu es Laurie la soumise. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le pseudo que t'as trouvé la dingue pour balancer des saloperies sur internet. Eh bien, Pamela sur les réseaux, c'est Pamela la belle gosse et c'est parti. Ouais. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Eh oui, moment sensuel de l'émission. On a écouté tout à l'heure les pervers. Tous les vendredis, on les retrouve, les pervers. Oui, oui, oui. Plutôt vers le début de l'émission. Et puis, là, un peu tard, Pamela, j'espère que tu vas y arriver parce que le challenge. Il y a du champion, là. Le challenge te laisse 17 minutes. Avant minuit, on a promis que tu arriveras à serrer. Il n'y a aucun problème, je vais serrer aussi bien que Romano au clash. Il est. Merci, Pamela. De rien, mon Romano. Il est. Bisous, ma pote. 23h43. Eh oui. On a la réponse pour le jeu. Laissez tomber les messages. On a la réponse pour le jeu de la PS4. Je vous le donne dans un instant. Le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, on y va. Alors bah, c'est qui? Je propose qu'on commence par Michel, c'est celui qui t'a envoyé les mails depuis hier. Ah oui. Alors, celui qui crème, veut lécher ma fonte crémeuse. Ah, voilà, le petit résumé, en fait, oui. Le monsieur adore le cunnilingus. Oh, et le pipi aussi. Et le pipi aussi. Puis la crème de fente. La crème de fente, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, lui, il aime bien. Bah, j'en ai. La crème de fente. Non. Hey. Oh. Alors, on l'appelle lui, c'est Michel. Bonne chance, Pamela, trouver un homme avant minuit. Allô? Bonjour, c'est Michel. Oh, Michel, en plus, il a une si belle voix. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. On raccroche. Dièse pour le modifier. Bon, on raccroche, on essaiera de le rappeler tout à l'heure. Ouais. Ah putain, c'est bizarre parce que ça a sonné une fois. Attends, je vais essayer. Vas-y, réessaye. C'est con, on a peut-être fait une fausse manœuvre, le mec. Ouais. Peut-être qu'il dort. Ou avec sa femme, non? Oui. Ah ouais. Il a une femme, un taré comme ça. Bah oui. Oh, tu sais, on en est là. Bonjour, c'est Michel. Bah, laissez-moi. C'est Michel. Ouais, c'est Michel. Salut, c'est Michel. Bon, on laisse tomber Michel. Ouais, j'ai envie de bouffer un truc crémeuse, là. Celui qu'on vous avez préféré tout à l'heure, c'est lui. Pascal de Lille recherche. Ah, c'est le Perforas, oui. Une boîte à sperme. Ouais, c'est lui. Ah, ouais, non, mais. Au 0625. Il est joignable, lui. Oh, le mec qui prend une nana pour des boîtes à sperme. Alors, oui, le père Fouras, donc, a laissé un message à Pamela. Elle est star maintenant, laisse des messages. Oh, une star de la télé, cool. Oui, magnifique. Ah. Et donc, on essaye lui. Allez. Pascal, là, vas-y, ouais. Ouais, Pascal, c'est. Fais voir le numéro. Pascal de Lille recherche une boîte à sperme. Oui. Au 0625. Voilà, c'est le numéro qui démarre par 0625. Vas-y, Samy, balance. Oh, ah merde. Alors que sa boîte à sperme était en train de l'appeler. Bonjour, SFR, comment allez-vous aujourd'hui? L'autre qui parle. J'espère que ça va bien. La boîte SFR. Bon, allez, on prend les autres, là, ceux qu'on a écoutés tout à l'heure. Et on les appelle les uns derrière les autres. Et je croise les doigts, Pamela. On a aussi des gars sur le réseau. Chut, chut. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Pamela, à l'appareil. Ok, non, ça va pas coller. Eh, mais tu vas te faire enculer? Oui, bien sûr. Oui, ah bah alors voilà, on peut parler un peu. Oh là là. Voilà, hein. Non, mais vous avez un bon contact tous les deux, dites donc. Après, le mec, il allait commencer c'est à faire sensuel. Chier, lui. Non, mais je suis pas d'accord. Non, vous avez eu un contact assez sympathique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé. Mais attends, c'est pas pour qui, lui? Il est sur numéro et après il veut plus parler. Ah, moi ça me rend dingue. Il va plus répondre. Ça me rend folle. Tu es toute folle, dis donc. Salut les filles. Ah bah tiens. Ah bah comme ça, oui. Lui aussi, il est toute folle. Bonjour, répondeur. Ah ouais. Bip, parlez. Merci. Bonjour, répondeur. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Réponds, tête de con. Allô. Allô. Oui, c'est pas mes. Allô? Attends, t'as là, j'ai un glaire qui est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé à la voix? Non, mais là, qu'est-ce que t'as eu à ta voix? J'ai inventé de glaire là. Oui, vas-y, rappelle pour voir. Le mec, tu lui craches à la gueule, le pauvre. Là, j'ai fait, c'est pas mal. Faut pas cracher à la gueule des pervers. C'était lequel lui? Lui s'appelait Iron. Iron! Iron! Iron! Iron. C'est comme Iron Man. Ah, yeah. Après, on appelle qui? Votre Spider. Ils sont où, les pervers? Attends, il est tard aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'est mis tard ce soir. On a fait tellement de trucs, on s'est mis tard. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Là, j'ai Antoine Sexy. Je crois en toi, Pamela. Tu es Antoine Sexy. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Il est très dominateur. Ah, très bien. Allô? Antoine? Antoine? Oui. C'est toi le dominateur? Oui, c'est toi. Attends, je t'entends très mal. Parle mieux dans le téléphone. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va mieux, ouais. Bien, ça va? Je t'entends mal. Tu peux mieux parler parce que t'es vraiment un con. Merci. De rien. Culé. Bon, alors, t'es une bonne salope, alors? Ah ouais, je suis une bonne salope, ouais. Ouais, t'es bien chaude? Ouais, je suis chaude. Ça te dérange pas si je me caresse un peu en t'écoutant me parler? Ouais, touche-toi la chatte, espèce de salope. Oh. T'es romantique, j'adore. Ouais. Lèche-toi les doigts, espèce de pute. Ah. Ah. T'es quoi? J'ai envie de te mettre à quatre pattes et te mettre des grosses fesses, ok? Ouais, vas-y. J'ai envie de te fouetter avec un martinet. Ah. Tu vois, vu que t'es à quatre pattes? Ah, comme ça. Ouais, c'est ça, vas-y. Vas-y. Je peux t'appeler enculé? Ouais, si tu veux. Ah, vas-y, enculé. Bon, ouais, vu que t'es à 4 pages, j'ai envie de te dominer. Ah, attends, j'écarte les poils. Allô? Allô? Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais. Tiens. Ok, d'accord, tu es dedans. Ça te dérange pas que je pète? Non, mais d'accord, mais t'as avec tes potes, c'est ça? Bon, je vais te laisser. Ah, lèche-moi, oui, vas-y. Lèche-moi, Antoine. Ah, le caca, c'est bon. Merci. Mais Cédric, merci. Merde. Bah, Cédric, chute. Ah là là, Cédric. Lui, il se croyait dans un film de cul. Je te dis, sale pute. Tu l'as dit enculé au début, ça l'a pas dérangé. Non, il adore, ouais. Pas enculé, gros con. Ouais, c'est vrai. Tu l'as aussi traité de gros con. Il a dit merci. Et a priori, ça lui fait plaisir. Attends, Pamela sait faire plaisir. Oui, toujours là pour faire plaisir. C'est gentil, Pamela, en tout cas, vraiment. Alors, c'est qui maintenant? C'est qui a laissé un message. T'es presque arrivé là, presque. Hein. Moi, je dirais que t'as à moitié serré quelque part. Ouais, mais il était trop romantique pour moi. Ah oui. À toi aussi, tu l'as trouvé trop romantique. 06. Ah, dommage. Dommage. Allez, un autre. On a le temps de dernier là. Oui, et après, oui, il faut qu'on prenne des réactions pour Laurie aussi. Hein. Dépêche-toi. Hein. Casse les couilles avec son répondeur. Bon, alors je raccroche. Voilà, c'est simple. Et on fait Christian, que vous aviez bien aimé aussi tout à l'heure. Il était sympathique, lui. Bonjour. Vous savez, celui qui se prend pour un chien. Bonjour, je suis Christian, j'ai 50 ans, d'allure jeunesse sportive. Je recherche une relation câline, de respect et la sincérité. Je préfère les femmes fortes. Âge indifférent. Je reçois mon téléphone 06 43. 06. Bisous, à bientôt. Bisous. Et à bientôt. On l'appelle. C'est lui, alors attention, c'est lui qu'on appelle. Tu vas être relou de parler comme ça tout le temps, non? C'est un suintement. C'est un suintement, ouais, c'est ça. Comme mon anus. Non, il soigne pas, non. Si, il soigne très fort. Non, tout va bien. Il suinte marron. Oui, écoutez. Allô? Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Monsieur Clerc. Ah. Oui, Monsieur Clerc. C'est Monsieur Perruque. Attends, faut que je lui parle, lui. Oui, Monsieur Perruque, moi tu le rappelles un autre jour, on n'est pas dans les conseils pas chers, on va dire. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais pas, il galère avec son... Ah oui, d'accord, il galère avec son répondeur. Il galère avec son répondeur, le mec. Je sais pas, il était en train de grogner encore. Ah oui, c'était le chien. Christian, le chien. Là. Beaucoup de succès pour Christian aussi, qui est arrivé deuxième dans vos périodes préférées de ce soir. C'est plus cochon, d'ailleurs. Oui, c'est le chien porc. Bonjour, je suis Christian. Eh ben, salut Christian. Ah ben, salut Cricri, tu nous as fait rêver ce soir. Pas joignable, Christian. On en a un petit dernier, là. Ah, dès que t'en as un qui répond, tu le balances, là. Je prends juste le gagnant, là, pour la PS4. La PS4, ouais. Oui, parce que vous demandez, mais alors, quel est le pourcentage des Français, combien de Français sur 100 Français préfèrent-ils jouer à la console plutôt que de faire l'amour à leur partenaire? On a Guillaume avec nous. Enculé, toi. À qui tu parles mal? Je parle à Karim parce que ce connard, il me file mon crâne. Et alors? Sur les réseaux, là. T'es sur quoi, là? Ça fait partie de ton charme. Non, mais je m'en fous, je ne veux pas ça. On voit ta calvitie. Non, mais il est rageux parce que je t'ai baisé au clash, enculé. C'est vrai, tu t'es fait baiser au clash, Karim. C'est vrai. Sévèrement, quoi. Et ouais. C'était pas beau à voir, hein, tout à l'heure. Ah ouais, c'était pas brillant, les gars. Bon, alors, la réponse. Cours, si vous voulez. C'est Guillaume qui va nous la donner. Salut, Guillaume. Ouais, Guigui. Bonjour, l'équipe. Ça va bien? Salut, Guigui. Salut Guigui. Bah oui, ça va bien. T'as entendu comme je les ai baisés les deux autres là? Ouais, bravo Romano, t'es plus fort. Merci. Eh bien, toi, tu es très fort aussi parce que je crois que tu vas repartir avec ta PS4. Attends. Merci l'équipe. Attends, on va quand même vérifier. Il faut donner la bonne réponse. Vérifier la réponse quand même. Quel est donc le pourcentage? Combien t'as dit? 32. Alors c'est ça, 3 et 2 ça fait 32. C'est bien ça. Exactement. Très bien, je note alors. Mais moi je trouve ça énorme. C'est vrai que ça 32% beaucoup, préfèrent jouer à la console plutôt que de faire l'amour à leur partenaire. Mais imagine, t'es avec la même meuf depuis 20 ans. Elle te prend la tête tous les soirs parce que ça arrive dans plein de couples ça. T'as ta console, tu choisis qui, Romano? Bah, imagine-toi aujourd'hui avec, je prends quelqu'un au hasard, mais alors complètement au hasard, la gothique par exemple. Non mais elle jette la console. Alors attends, ne calme-toi. T'es énervé. J'ai d'abord les manettes et j'ai fini à la console. Donc, ta gothique et une console, tu préfères quoi? Jouer à la console ou baiser ta gothique? Non, mais je te dis, je jette la console. Et bien, dans ce cas-là, tu ne pourras pas jouer à la console, donc ça va pas, la réponse. Non, mais je joue, là, tu prends un cas extrême. Ouais, c'est clair. Ah non, je prends la gothique, tout simplement. Quand t'es en couple, t'as quand même envie de baiser, quoi. Bah, 32% des joueurs en couple préfèrent jouer à la console. Bravo, Guillaume, tu gagnes, tu vas pouvoir t'éclater. J'espère que t'as une meuf. Ça va lui faire plaisir. Non, j'ai pas de meuf, mais j'ai des bons potes, ça va leur faire plaisir. Très bien. Donc, la PS4, Slim, la nouvelle, plus FIFA, le nouveau, FIFA 17, plus NBA 2K17, c'est pour toi. Ouais, tout ça. Tu viens de gagner tout Merci ça. Merci bien. Je vais passer une petite dédicace. Allez, vas-y, passe une petite dédicace. Une grosse dédicace à Daniel et Layton, là, qui m'écoutent, et on va pouvoir jouer à ça bientôt. Eh ben, big up à toi. Et bravo pour la console. On vous enfilera le matin, les consoles. Soyez là, lundi. Lundi matin, vous chopperez votre console et il y aura encore les iPhone S à gagner. Les iPhone S. Non, les iPhone 7 à gagner. C'est ça. Le tout dernier. Et 1500 euros. Voilà. Oui, évidemment, la marée. Allez, hop. D'ailleurs, inscrivez-vous si vous voulez gagner les 1500 euros. 720. Dans un instant, les inscriptions pour Soprano. On va vous offrir Soprano en tournée avec Skyrock. Mais d'abord, Laurie et ah oui, Tom. Laurie et Tom. Ils sont tous. Allô. Ah, il y a un pervers. Allô. Marie. Allez, on appelle un pervers, quoi. On appelle un pervers sur Skyrock. Allez, parle. Bon, Marie, faut arriver. Merde. Merci, Marie. On applaudit Marie. Bravo. Bravo, Marie. Oui. Championne, ma sœur. Bon, et. Allô. Allô. Oui, allô. Allô. Ah, Marie, putain, tu nous as tout fait foirer. Ah là là, Pamela, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est de la faute de ouais, Marie. Ouais, bon là, pour le coup, c'est de ma faute. C'est elle. Connasse. Non mais tu peux dire que t'es avec une copine. Oui, non mais Marie, tu lui as dit, c'est un pervers. Ouais. Le. Allô. Allô. Oui, allô. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est Pamela, l'appareil. Allô. Ah putain. Dur Pamela ce soir. Hein. Ouais, pas facile, t'as vu. Hein. Les cons. Les pervers, les cons. Les pervers sont durs. Hein. Il te reste 5 minutes pour arriver à serrer. Oui. Bon, là, on les chope maintenant sur les réseaux. Hein. On les chope directement sur les réseaux. On est en train de draguer. Ah, il y a Romain qui est dessus. Il est à fond dessus, s'il connaît. Ah, bah oui, je vois ça. Ouais. Romain des réseaux sociaux, il un donne champion. Tout. Champion. Bon, allez, Laurie et Tom. C'est parti. Laurie de Bordeaux, 18 ans. Tom, 16 ans, de Bergerac. On est bien dans le sud-ouest, là. Ouais, c'est clair. Alors. En voisin. Laurie, donc. Le sud-ouest, c'est Gavébien. Et Gavébien. Ah, évidemment, Gavébien. Bordeaux. Girondin. Ça, c'est chouette, Bordeaux, ouais. Alors, Laurie, donc, toi, t'as un problème avec une dingue. Enfin, t'as eu un problème avec une dingue. Tu l'as bien géré. T'as porté plainte. C'est une meuf qui te harcelait sur tous les réseaux après que tu lui aies vendu des fringues. Ah ben, Marcel, toujours. Sur Facebook. J'ai encore reçu encore un message, donc. Mais je te disais, ça, c'est très très bien. Parce que tu vas pouvoir gagner plein d'argent. Hein. Il y a plein de messages qu'on nous a laissés pour te rassurer. Les auditeurs, ils sont super optimistes. Hein. Non, mais donc, ça, moi, l'argent, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'elle arrête. Oui, mais ça, tu sauras quand tu auras eu le procès. Mais sinon, pour te rassurer, les auditeurs pensent tous que. Bon, t'as pas de soucis à te faire, c'est toi qui porte plainte, c'est elle qui t'a fait chier. Tu vas gagner de l'argent, ce doute, 2000, 3000 euros, pronostic ouais, Nico. Écoute, on prend, hein. Ouais, mais ça, je te dis, ça c'est vachement variable. Là, il y a un auditeur, tout à l'heure, il était exactement dans le même cas, c'était sa femme qui avait été harcelée. T'en as, d'ailleurs, Tom, t'as eu le même problème, hein, je crois, Tom. Hein. Ouais. Et là, je sais plus, désolé, je me rappelle plus du pseudo. Et le mec a pris quand même 6 mois avec sursis. Pas mal. Et par contre, bon, l'amende 800 euros. Ah, pas mal aussi. Ouais. Et 6 mois avec sursis et combien 160 heures de TIG, ouais. Ah ouais, le mec. Ah ouais, quand même. Hey. Non, mais bon, tu fais chier le monde à un moment donné, c'est tu normal. Tu payes. Logique, non, mais ouais, je suis tu vois, le mec, il te pourrit la vie, quoi. Bien sûr. Et tu payes. Et donc, toi, Tom, raconte-nous un peu ton histoire, parce qu'elle est marrante. Enfin, elle est marrante. Pour toi, moyen, mais bon. Ouais, enfin, c'est marrant, ouais. Genre, j'avais des photos de ma copine à poil dans mon téléphone. Oui. Toi, t'as une voix de pervers, un peu. Oui, en effet, oui, j'avais des photos de ma copine à poil. Absolument, oui, bah, absolument. Oui. Parce que vous m'avez réveillé. Ah, l'émission, ça réveille, c'est vrai. Mais c'est pas fait pour s'endormir, l'émission, t'imagines? C'est une soirée, tu branches sur Skyrock. Ah oh ouais, ça le fait pas. C'est pas bon, ça. Et alors? Et du coup. Je les ai montrés à des copains et tout, envoyés par message. Ouais. Ah, t'as envoyé les photos de ta meuf à poil par message à des potes. C'est gentil. Et elle m'a cramé. C'est bien, en tout cas, t'es un mec de confiance, toi. Ah non, mais t'es. Ouais. Non, mais c'est dégueulasse de faire ça. Mais c'était quoi? C'était une meuf. C'était sérieux ou c'était une meuf que tu baisais comme ça? Non, comme ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais même. Oui, bah bon, c'est vrai que ça se fait. Non mais t'es pas le premier à le faire. Oui, de montrer à des potes ta meuf. Non mais voilà, oui. C'est une meuf que tu baisses comme ça, qui ouais. J'ai envie de te dire, Marie, qui ne l'a pas fait d'ailleurs. Bah moi j'ai pas fait. Non mais de montrer, tu vois, mais le téléphone n'existait pas peut-être quand. De con. Ouais, c'est vrai, ouais. La dernière fois que tu étais sobre, le téléphone n'existait pas, Marie. Bah, t'es con. Mais c'est vrai, je sais pas, mais c'est un truc qui se fait vachement, quoi. C'est vrai, Karim, il me montre en général. Ouais, je te montre ma bite. Et je kiffe bien. Et donc, oui, Tom, finis ta story, ouais. Là, pour savoir comment ça s'est fini, cette histoire. Elle a porté plainte. Ah ouais. Et il y a eu, enfin, pas une enquête, mais des gens qui ont cherché à comprendre. Et au final, en fait, vu qu'on n'était pas majeur, juste on a dû s'expliquer dans une salle en tête à tête. Et ça veut dire que ça aurait été pire si vous étiez majeur. Si t'étais majeur, tu étais allé en cabane. Ouais. Non, Marie, pas en cabane, mais. Mais non, mais enfin, au tribunal. Mais bon, tu veux dire, l'autre, il a pris du sursis, ouais, sursis son quand message même, là, que ouais. tu nous lisais tout à l'heure, Romano. Bon, après, il rentrait pas dans les détails, hein. Je sais pas. Parce qu'après, il y a le degré d'harcèlement aussi qui compte, bien quoi. Sûr. Moi, plus de degrés possible. Non, mais bon. 51 minimum. Oui, bah, ça, on sait bien, Marie. Non, mais là, mais toi, que... pour Laurie, déjà, si la meuf, elle te menace de mort, attention. Ouais, ça risque de. Non, mais risque... c'est sérieux, hein, ça, c'est pas. Ils prennent pas ça à la rigolade. Hein. Numéro sur Internet et tout ça. Ouais. Donc, fais-toi pas de soucis, Laurie. Ça va bien se passer, cette histoire. Et au final, donc, vous avez juste eu une rencontre face à face. Vous avez discuté, et au final, c'est. Ouais, genre une médiation, quoi. T'as eu... Ouais, on a dû s'expliquer. Il y avait quelqu'un. Enfin, il y avait un adulte dans la salle et. Mmh. Et du coup, là, on a plus le droit de. Enfin, on a plus le droit. On doit plus parler, rien. D'accord, ah ouais, t'as pas le droit de l'approcher, de rentrer en contact avec elle, tout ça. Ah ouais. Voilà, ouais, mais bon, c'est vrai que la meuf, t'as dû lui pourrir la vie. Hein, et ça va être sur un casier, ça va être sur ton casier, ça, ou pas du tout? Non, ah, je sais pas. Parce que j'ai moins de 18 ans, donc du coup, il y a rien. Non, mais ils ont pas ça dans leurs ordinateurs, ils retrouvent ça s'ils en ont besoin, non, même pas. Alors là. Ah, peut-être, ouais, peut-être en archive. C'est pas pour te faire paranoïa avant le week-end, c'est juste pour savoir, en fait. Non, d'après ce que j'ai compris, non. Bon, donc évitez d'harceler les gens. Non, mais je pense que, tu sais, parce que quand tu vas chez les keufs, moi ça m'est arrivé une fois, tu sais, ils te demandent est-ce que vous êtes connu des services de police. Ouais. Alors Romano a dit oui pour multiples escroqueries. Non, non, j'ai dit non. Et en fait, ils avaient vu que j'avais été chez la police pour une histoire avec Skyrock. Quand ouais, bah, moi ça m'est arrivé. On avait aussi, eu un problème avec une personne qu'on avait appelée pour ne rien vous cacher. Oui. et en fait, le mec, tu vois, on n'avait pas été condamné ni rien, ça avait été classé sans suite. Mais il l'a ressorti, ouais. Mais le mec, il y avait la trace comme quoi j'avais déjà été convoqué par les forces de police. Quoi. Ouais. Oh, attention, je vais laisser une trace. Ah ouais, oh, ça y est, j'ai laissé une trace. Belle trace, belle dégoulinade. Oui, donc ça peut rester. Mais enfin bon, écoute. Ouais, bon, après, ça sert à rien. C'est pas pour autant. J'imagine que tu recommenceras plus. Non. Ah non, ça t'a calmé. Je ouais, pense que tes parents, ils t'ont calmé aussi, ouais, non? C'est ce que j'allais dire. Ah oui, bah oui. Les darons, ils ont dû adorer. Ah, ils ont dû, mais ouais, t'as été puni et tout. Ah ouais, horrible. Ah ouais, grave. Bon bah écoute, merci Tom du témoignage, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. Ouais, merci les gars. Et puis bah passe un bon week-end, tu fais quoi ce week-end toi? Rien. C'est bien, c'est cool. Bah c'est bien des fois de rien foutre. C'est aussi fait pour ça le week-end. J'écoute Skyrock. Ah bah c'est bien ça. Ah bah c'est magnifique, profite bien. Salut Tom. Salut. Et si vous écoutez Skyrock, vous savez que Skyrock est la radio de Soprano et que la tournée de Soprano... Eh ben, elle est pour vous à gagner maintenant au 41-759. Grande tournée. Ou alors sur l'appli Skyrock, vous vous inscrivez, vous nous laissez le mot de passe roulette. Non, j'ai dit 41-759. Non, c'est au 7-20-20. C'est au 7-20-20. Et donc au 7-20-20, vous vous inscrivez, vous envoyez roulette au 7-20-20. Les ordis sont prêts. Si vous êtes prêts vous aussi à gagner Soprano, allez-y. Et puis à pas louper, dans 10 minutes à la fin de l'émission, Fredo arrive avec du PNL. Ouais, on va découvrir. C'est la l'album. Nocturne. PNL à pas louper ce soir si vous aimez PNL. Vous serez branchés sur Skyrock, nous aussi. On en profite dans un instant. La roulette qui tourne, la nocturne. Et puis peut-être une dernière chance pour Pamela, mais une toute dernière alors hein. Oui. Allez. Plus écouté que Hot 97 à New York, plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rapée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première Banzai radio urbaine mondiale. Banzai Noodle de Lustu Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai. Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustu Cru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Skyrock présente Escrow, le groupe du rappeur Nekfeu en tournée Skyrock. Escrow de retour sur scène avec Skyrock à Lille, Nantes, Lyon et Marseille. J'avais me remis dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bats. C'était pas la White Weed. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Skyrock, premier sur le rap de Escrow. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. on a miracle. Let me love you sur Skyrock, on écoutait Justin Bieber et DJ Snake. Tifoul, radio libre, what the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et la roulette Soprano va tourner, la roulette pour vous, c'est de gagner, évidemment, sur Skyrock. Et dans quelques minutes, le temps de laisser un petit rab à Pamela, parce que c'est vrai qu'on a commencé tard, je t'avais dit avant la fin de l'émission, Pamela, il faut serrer pour l'instant. Oui, pour le moment, c'est un échec. Non, mais il y a eu un bon contact avec un type, tu sais, celui qui te traitait de salope, là. Ouais, c'est salope. Ouais. Qui voulait que tu te fouettes et tout ça. Et puis là, c'était très sympa d'ailleurs. Il a raccroché. C'était mignon. Oui, c'est assez romantique. Bah, je l'ai traité, il s'est barré. Ouais, je l'ai mis à l'amende. Mais pourquoi tu l'as traité? T'allais le serrer pratiquement. Ouais, non, mais bon, attends, je ne suis pas une fille facile et on me parle correctement. Mais tu n'es pas une fille facile. Oui, non. Non, bah attends, quand même. Ouais. Bon, alors. Mais là, il y en a trois qui arrêtent pas de me parler sur le chat là. Vas-y, vas-y. Tu veux choisir lequel? Tu veux choisir celui qui commence en te disant Hello bébé, envie de jouir par tel. Ouais. Pas mal, pas mal. Ouais, le deuxième, il dit t'es chaude, ma pute. Oh oui. Ça m'excite. Lui, il a l'air romantique comme on les aime. Et le troisième, il te met J'habite dans le cul. J'en veux plein la bouche de ta mouille, j'adore vraiment ça. J'en veux plein la bouche de ta mouille, j'adore vraiment ça. Tu vas me mouiller la bouche, bébé. Oh, c'est mignon. Ah, oui. Je vais bien te lécher l'anus aussi. Il a soif. C'est possible, Marie. Et faim, peut-être. Oui, les deux, peut-être, oui. Ouais, c'est surtout un sacré taré. Donc, on rencontre tout ça sur le net quand même. C'est pas mal, hein. C'est bon, bien, bah, net, hein. Plaisant, hein, là. Allez, vas-y, appelle. Vas-y, appelle le dernier qui t'a dit ma pute, là. Allez, non, lui qui veut que tu le mouilles la bouche, voilà. Eh ben c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Pamela, tes dernières chances et le Planète Rap Nocturne. La Nocturne de Planète Rap. PNL arrive dans un instant. Ouais. Et vos places aussi pour aller voir Soprano. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Pamela, l'appareil. Ah, ça va. Ça va et toi? Ouais. Je te dérange pas? Non, non. Non? Tu faisais quoi, là, apparaître sur le chat? Je me caressais un peu. Ah, tu peux continuer, ça me dérange pas. Hein. Ouais, j'ai envie de te lécher. Ah, vas-y, dis-moi des choses. Je peux me caresser, moi aussi? Ah oui. Ah. T'aimes les cochons? Ouais, c'est quoi ton prénom, cochon? Michel. Michel. Ah, Michel. Michel. Michel? Oui. Je t'entends plus. Ah. Oh. Oui. Tu mouilles? Oui, je mouille. Ah, j'ai envie de lâcher ta mouille. Ah, tu peux me parler un peu plus fort, j'entends mal. J'ai envie de lâcher ta mouille. Ah, vas-y, lèche-moi ma mouille. Oh, j'ai envie de t'en mettre plein la nuit, c'est de t'alléger la nuit. Ah, vas-y, bah, oui, la nuit, la nuit. Ah oui, j'adore ça, Michel, le cochon. Ah. Ah. T'es doux? Oui, je suis très douce. Ah, oh, le con. Oh. Vas-y, rappelle-le. Ah, c'est peut-être fini. Oui, je crois qu'il a pas compris la blague. Non, t'es doux, t'es douce. Non, il a pas aimé. Il est doux. Et puis, il faisait des bruits avec son téléphone. Il était en train de se tripoter avec son téléphone, je suis sûr, moi. Tu sais, quand il faisait tut. Bonjour, c'est Michel. Bah. Salut Michel. Ah, merci. Merci alors. Ah bah Michel. Michel, il a pas tout à fait la même voix. Ouais, non, la journée. Ah non. Oh, salut, c'est Michel. Vous rigolez, mais il s'est branlé, c'est fini. Ouais, bah j'ai un doute. Hein. Ah, vous croyez ce qu'est Kéfir? Ah, tiens, c'est possible. Hein. Ouais, c'est bizarre. Ce mec était déjà en train de se branler avant que je l'appelle. Donc. C'est vrai que c'est Kéfir qui nous envoie ce message, mais Kéfir, c'est pas con ce que tu viens de nous dire. Ah, impossible. Peut-être que le mec était en train de se pignoler derrière son téléphone. Il attendait juste Pamela. Allô? Allô? Allô? Oh, pardon. Il attendait juste Pamela et. Non, je remets. Allô? Allô? Ouais. T'as envie de qui? Bah, ouais. C'est ta sœur, tiens. Allô? Allô? C'est qui, wesh? Bah, c'est ta sœur, je t'ai dit. T'es qui, toi? Tu m'as pas reconnu? Je suis Pamela, moi. Je connais pas de Pamela, je crois que vous êtes trompé de numéro. Non, je me suis pas trompé de numéro, on s'est parlé sur le chat. De quoi tu me parles? Bah, du chat, Coco. Je crois que vous êtes trompé de numéro. Coca! Viva Street! Le réseau téléphonique! Max. Smax! Max. Tinder! Tu veux baiser ou pas? Poto! Wesh, Poto! Wesh, ma gueule! Wesh, ma gueule! Allô? Bah oui! Bah oui! Ah oui! Putain, c'est la télé qui répond. Tu vois, Pamela, t'es tellement sexy que même les télés sont excitées. Putain, elle a craqué sur moi, la télé, quoi. Et ouais, elle a craqué. Bon, bah merci, Pamela. Ça a presque marché, Pamela. Ouais, on va dire que t'as presque réussi. Mais il faudra faire mieux. Il faudra faire mieux la semaine prochaine. Y a intérêt. La semaine prochaine dans l'émission. Donc, le vendredi en général, mais elle peut venir avant. Hein, donc, soyez là dès lundi, on sait jamais. La belle Pamela est sur Skyrock. Sans problème. En exclu sur la première radio urbaine mondiale. La sensuelle. Yes. T'imagines? Même les rappeurs te connaissent. Bah, bien sûr. Elle est connue, mais c'est ouf. Attends, ouais, c'est dingue. Je dirais pas, j'ai couché avec certains. Mmh. Ah. Mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Non, mais c'est pas Black M. Ah, c'est pas Black M, hein. Rassure-nous. Hein. Bon, allez, on fait tourner la roulette maintenant. On va faire tourner la roulette avec Aurélien. Allez, c'est parti. Skyrock t'offre 200 places de concert soprano. Alors, Aurélien, t'as 23 ans et t'es en direct avec nous pour gagner tes places pour soprano. Aurélien, ah oui. Aurélien, t'es là? Tu es là? Ouais, je suis là. Eh ben, ça tombe bien parce que nous aussi, puis on a une belle roulette en plus à faire tourner. D'accord. Pas que c'est toi qui veux gagner soprano, hein? Eh ouais. Eh ben, c'est ouais. Parti. Allez, ça tourne. On lance. Ça tourne. Attention, attention, tu dis stop, la roulette s'arrête et tu vas gagner tes deux places pour aller voir soprano. Tu es en feu, t'es en feu, t'es en feu. Bravo. Et ben voilà, c'est parti. Merci, direction merci, Sopra. Merci, c'est gentil, franchement, merci. Bah bravo, à toi, t'habites où, Aurélien? À Saint-Quentin. À Saint-Quentin, dans le 02, dans l'Aisne. À Saint-Quentin. Salut Saint-Quentin. Ouais. Eh bien bravo, tu peux aller le voir à Lille. Enfin, il passe peut-être même encore plus près, hein, parce qu'il tourne dans toutes les villes de France, les petites, les grandes et les moyennes. Ok, ça marche, merci, c'est gentil. Bravo Aurélien, tu vas y aller avec qui, toi? Bah écoute, avec ma copine. Et ben voilà, copine. La copine. Très bien, t'as raison. Et ben bravo, profitez Aurélien. Bien. Merci, c'est gentil. Passe un beau week-end. Bisous à la copine. Ok, merci à vous aussi. Bonne soirée. Et bisous à Saint-Quentin. Et salut Saint-Quentin. Bisous à vous aussi. Salut, ciao, Aurélien. Ciao. Bisous Aurélien. Ciao. Tu fais quoi ce week-end, Aurélien? Bah rien. Rien, toi aussi. T'es le deuxième à rien faire, c'est bien. Voilà, rien, y a rien à faire. Bon bah reste sur Sky tout au long du week-end. Vous aussi restez sur Skyrock, il se passe plein de choses. Même le week-end, dès demain matin à 6h, le Morning Best avec les meilleurs moments du morning et les pires aussi, hein. Ouais, il y a les deux. Voilà, le Morning Best à retrouver demain matin entre 6h et 9h. Loupez pas le rendez-vous avec Cut Killer même, et puis vous-même vos dédicaces dès 9h du matin, hein. Ouais, bien sûr. Et Cut Killer dès 22h demain soir. À minuit, à la nuit Smax, vos dédicaces pour rencontrer du du people, c'est pas mal. Et puis évidemment le dimanche soir, je vais pas vous faire toute la grille des programmes, mais dimanche soir il y a la spéciale de l'émission avec Vincent. On rejoue les clashs de la drague, on retrouvera un clash avec Cédric d'ailleurs dimanche soir. Ouais. Et lundi matin, c'est le vrai rendez-vous à ne pas louper entre 6h et 9h, le morning. On est de retour. Ouais, on se réveille avec vous, on vous offrira vos iPhone 7, ouais, vos PS Slim, celles qu'on vous a offertes ce soir et ce matin. Et puis bah, tout le reste évidemment, mais Romano vous offrira ses conseils pas chers. Gracieusement. C'est le seul truc qu'il vous offre. Ouais, c'est tout. Et puis lundi soir, la Radio Libre, on est de retour. Bon week-end la Marie. Bon week-end à vous tous. Tu fais quoi ce week-end? Je pars à la campagne. Bonne campagne à la Marie. Merci. Bisous vert. Karim, t'as prévu de faire quoi ce week-end? Je sais pas, je vais passer chez toi, je crois. C'est comme d'hab. Je vais squatter. Moi, je vais aller voir Cédric ce week-end. Bah ouais, écoute. Je vous raconterai tout. Fais-lui un bisou. Bah bon courage non, à toi. Non, Marie, faut pas exagérer non plus. Hein. Pas sur la bouche. Hein. Non plus. Samy. Marseille, comme d'hab. Ah, Marseille. Premier train partant. Ah, génial. Je vais aller voir la défaite de l'OM contre l'OL. Ah ouais, dimanche, putain. Dimanche, on se fait casser le cul. Non, je pense pas. Tranquillement. C'est pourquoi on va gagner, je vais t'expliquer. Parce que dans les tribunes, il y aura Franck Macroute. Il y a Franck Macroute. L'inventateur des Macroute. Et donc, devant lui, les joueurs vont être obligés de se casser le cul, tu vois, et on va gagner. Casser le cul, voilà. Allez, l'OM. Et donc, ça va bien se passer. Bien Marie, on prend ton soutien. Oui, car je soutiens le GC Nice. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi, Romano, t'as prévu quoi ce week-end? Eh bien, ce week-end, moi, j'ai mon pote Gros Porc qui vient d'Ukraine. Donc, on se retrouve et on boit. Oh putain. D'accord. Et je vais aller voir Cédric, je pense. Très bien. Ah ouais. Dans le week-end. Bois un coup avant de le voir. Ouais, je vais boire beaucoup même. On va peut-être se croiser alors chez Cédric. Bah ouais. Bah oui. Bon, on lui fera une bise. Non, une bise, non, peut-être pas. Ah, Romano, tu lui feras une bise de la part des auditeurs. Ouais, comptez sur moi. Bon, eh bien, bon week-end à vous. Fredo, la nocturne. À minuit et quart, on va retrouver la super nocturne de ce soir. Attention, du PNL. Ouais. Vous aimez ça, nous aussi? 9. On va écouter ça en rentrant à la maison, là. PNL sur Skyrock. La nocturne de Fred. Et puis rendez-vous, donc, comme on vous l'a dit, lundi matin, lundi soir, sur Skyrock. Bon week-end. Merci à vous pour cette belle semaine. Et à lundi. Salut. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne, 100% rap français, 100% PNL, au moins pendant, allez, une bonne heure et demie, on va se faire le groupe événement qui a sorti aujourd'hui, le troisième projet, c'est dans les bacs, ça fait un véritable carton. Hein. Dans la légende, on va écouter évidemment beaucoup de sons de cet album dans la légende, on retournera sur le monde Chico aussi, et puis le premier projet de PNL, que la famille, c'est parti pendant, allez, un peu plus d'une heure, s'il y a des sons de PNL que vous voulez, n'hésitez pas, le hashtag Skyrock, hashtag la nocturne, PNL sur Skyrock, balancez des messages, n'hésitez pas, dites-nous un petit peu vos sons préférés de PNL du dernier album. C'est parti, coup d'envoi de la nocturne avec un morceau extrait de Dans la légende. Voici Da. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arène. Ciseaux retournés comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie ta romade. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demande à mes l'état, m'envoie tes lettres. Mougli, même pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. N'est pas honte de l'armée, c'est pété, moi j'en pissonne. N'est pas l'argent, tu sauvages, un gros H pour m'isoler. Les grosses tasses qui déboulent sur mon arbre, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pipi, elle ou à la pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pelles et coca ou ça tire. J'joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le ti. J'suis de l'époque de la Sega, j'm'entraîne à frapper comme Sagat. Rico, rico, j'débarque. Bum, ratatata. Fais gaffe, au hep, c'est pas patatata. J'connais le million méchant, toujours pas la la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouglé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Da, da, da. Bas les couilles pour eux, j'suis N. Da, da, da. Bas les couilles, c'est pété, même pas. Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mer. Mais bon, je suis de la pire espèce.